faut une marée populaire pour dire, ben voilà, ce monde des premiers de cordée. Daniel Simonet. Égoïstes, qui sont totalement irresponsables du point de vue du bien-vivre ensemble et du respect de notre écosystème, eh bien, il faut leur mettre un coup d'arrêt. Et nous, on est le nombre. Les citoyens et les citoyennes sont très nombreux à ne pas vouloir de ce monde-là. Et en participant à cette marée populaire, on exprimera aussi eh bien, qu'on peut se retrouver à travers un autre monde, à travers un autre monde pour un humanisme écologique et social, voilà, qui refuse aussi cette chasse aux migrants qui est en train de se faire avec la loi asile et migration qui est catastrophique. Voilà, et on veut voilà, un monde plus juste, un monde de la solidarité. On est le nombre, nous on sait quel est l'intérêt général et on va le dire aussi avec joie et avec humour parce que vous savez quoi ? L'humour, c'est la meilleure arme de contestation du système. Et ceux qui sont joyeux sont ceux qui sont finalement conscients dans l'avenir. Vous savez, les résistants, leur programme, ils l'appelaient les jours heureux. Parce qu'ils avaient besoin de cette force-là, de cet optimisme, pour se dire, oui, on est capable d'inventer un autre monde. Ben, faut continuer cette bataille-là. La raison, les raisons de se révolter, c'est quoi pour vous ? Les raisons, elles ont notamment dans le rapport tout récent d'Oxfam. Éric Beynel. Sur la répartition des richesses et les inégalités. C'est-à-dire que depuis le début de la crise financière, et il y a plus de 10 ans maintenant, les richesses n'ont jamais été aussi injustement réparties. Les riches gagnent de plus en plus et les travailleuses, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, eux, ils ont toujours de moins en moins. Et cette situation, elle s'est accentuée depuis un an, elle est même devenue gravissime. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est indispensable de se mobiliser samedi. Et puis après, dans les jours suivants, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à une seule journée, il s'agit d'avoir une vraie construction d'une mobilisation sociale d'ampleur pour transformer et inverser le rapport de force. Les richesses, c'est pour nous, ce n'est pas pour juste 1% de la population. Cette semaine, il s'est passé des choses extrêmement graves qui nous ont beaucoup touchés. Il y a lundi, un camarade cheminot de Sudrail, à Paris-Est, qui s'est suicidé. Il s'est suicidé sur son lieu d'emploi à côté de Pantin. Et il y a mardi, quelqu'un sur la ZAD qui défend aussi un modèle de transformation qui a perdu une main. Face à une violence sociale aussi terrible, il faut avoir une réponse qui soit à la hauteur. Ça veut dire qu'il faut être capable de s'unir. Il faut être capable de passer par-dessus des divisions anciennes, mais il faut aussi être capable de s'entendre sur l'essentiel et savoir ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est une transformation radicale de la société pour que l'inversion de la répartition des richesses qui se fait au profit de quelques-uns puisse se faire au profit de tous ceux qui les produisent, ces richesses. Ces richesses, elles sont produites par les salariés, par les travailleuses et les travailleurs, par ceux qui font tourner les services publics, qui permettent qu'on ait du soin, qui permettent qu'on ait de l'éducation, qui permettent qu'on ait quelque chose qui nous permette de vivre ensemble. Tout ça, c'est essentiel. C'est ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est pas que quelques-uns puissent aller se dorer la pilule dans des palaces. Non. L'essentiel, c'est que tous, on puisse profiter et avoir une belle vie, une vraie vie. Tout est menacé, en fait. Tout est menacé par ce que le monde de Macron nous prépare. Laurence de Coq. Et donc, le slogan, moi j'aime bien le slogan « contre Macron et contre son monde ». Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui à une période où si on n'agit pas maintenant et si on n'est pas à la fois dans la révolte et dans la contre-proposition par rapport à ce monde d'atomisation, par rapport à ce monde de concurrence, par rapport à ce monde de relégation sociale, de racisme, d'explosion des services publics, etc. La liste est très très longue. Hein. Si ce n'est pas maintenant qu'on fait des contre-propositions, ça risque d'être vraiment compliqué plus tard, quoi. Alors, il y en a qui, je me fais l'avocat de celles et ceux qui disent « bon, à quoi bon tout ça ?» Il y a une belle mobilisation en 2005 contre le TCE. Et finalement, on nous dit « bah non, vous avez mal voté ». Pourquoi il faut aller manifester ? Pourquoi il faut y aller samedi ? Pourquoi ? Quelle raison d'y aller, de se révolter ? Alors, il y a plein de raisons de manifester. D'abord, les manifestations, ce sont des moments où on se compte. C'est des moments où on jauge un peu le rapport de force, où on est content de se retrouver aussi, parce qu'on est quand même dans une période où on fonctionne beaucoup par niche. Les gens ont peu le temps, les gens sont un petit peu désillusionnés, etc. Donc les manifestations, c'est le moment où voilà, on a tout à coup du collectif qui s'impose à nous. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'une manifestation, c'est un lieu de conscientisation politique. La politique, ça ne s'exprime pas que par le vote, ça s'exprime par plein d'autres manières d'agir. Et l'une des manières d'agir, c'est de descendre dans la rue et de laisser un peu exploser tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut avoir sur le cœur, de discuter avec les gens, de prendre des tracts, de découvrir des organisations, d'avoir de l'intergénérationnel. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Voilà, donc les manifestations sont des lieux politiques et je pense que on est aujourd'hui en pleine asphyxie et qu'on manque de ces espaces de sociabilité, de ces moments où on se retrouve collectivement. Vous, avec la Fondation Copernic, avec ATTAC, donc il y a l'initiative hein, de ce rassemblement, grand rassemblement unitaire samedi prochain, il y a pas mal de signataires, il y a des absents, notamment les Black Blocs. Mais les Black Blocs, c'est pas une organisation, donc ça signe rien du tout, on sait pas s'ils seront là ou pas. Donc eux, ils sont utiles, c'est... Parce qu'à chaque fois, on se pose la question de... On a quand même un exemple, la ZAD, où il y a ceux qui montent les barricades, il y a ceux qui labourent les champs, ils sont tous ensemble, ils ont eu une victoire. Tous ceux qui souhaitent venir sont les bienvenus, et tous ceux qui souhaitent faire de la politique de façon démocratique, exprimer une colère sans que ça s'exprime sur des gens, sans que ce soit d'une violence gratuite, mais que ce soit le signe d'un projet politique, qui soit vraiment un projet politique d'émancipation et qui soit un projet politique de solidarité. Voilà, c'est le 26 mai est fait pour eux. Avec ou sans cagoule? Le sous-commandant Marco, c'est le bienvenu. Rendez-vous samedi. Merci, rendez-vous samedi. Aujourd'hui, on va parler de demain. Jingle. Demain, c'est très très bien. Parce que le soir, il y a le grand débat des primaires de gauche avec 6 hommes, une seule femme, et en plus, ils sont tous blancs. En fait, c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt un gangbang au Ku Klux Klan. Alors, les primaires de gauche, c'est très important, hein, puisque après le vote, on saura enfin qui va avoir l'honneur de se faire éliminer au premier tour de l'élection présidentielle. Hein. Fillon et Le Pen, ils vont être devant le débat comme un touriste devant une vitrine à Amsterdam. Plouf, plouf, je sais pas sur qui ça va tomber, mais je vais bien t'enculer. Hein, en plus, vous remarquerez que les mecs précisent bien primaire de gauche, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident du premier coup d'œil. Hein, quand sur un poulet basket sous vide, ils se sentent obligés d'écrire avec du vrai poulet dedans, hein, parce que ça se voit pas directement, tu te méfies, tu sens quand même qu'on va te faire bouffer de la merde. Moi, j'aurais été ministre sous Hollande comme Valls, Payon, Hamon, Pinel et Montebourg, je serais gêné de participer à une primaire de gauche. Hein. J'aurais l'impression d'être à la frontière thaïlandaise, déguisé en bénévole de Médecins du Monde avec 50 kilos de coke dans ma valise et une fausse moustache qui se décolle. Non, je serais pas bien. Hein, j'aurais des sueurs froides, je serais merde. Ça va se voir que j'essaie de les niquer, je vais me faire griller. Mais même pas, putain. Les mecs, ils assument complètement, aucune gêne. Pas une boule au ventre, pas une goutte de sueur sur la tempe. On dirait Kaiser Soze qui a mis du Ménen 48 heures. Si la politique s'était basée sur le mérite, les primaires de gauche, ce serait comme la chatte à Morano, il n'y aurait personne dedans. Oh. Hey, Sylvia Pinel, t'as été ministre du logement, il y a toujours des SDF, tu dégages. Benoît Hamon, t'as été ministre de l'économie solidaire, l'économie est toujours pas solidaire, tu dégages. Vincent Payon, t'as été ministre de l'éducation, il y a toujours des fans de Kev Adams, tu dégages. Manuel Valls, t'as été Manuel Valls, tu dégages. Hein, cessez de vous acharner, bordel. C'est incroyable, les mecs ne comprennent pas qu'on ne veut plus voir leur gueule. Ils s'accrochent alors qu'ils devraient être partis depuis des années. C'est les primaires ou l'élection du meilleur sosie de Vincent Lambert? Non, comment faut-vous le dire? Vous êtes des gros mauvais, les gars, vous ne servez à rien. On vous enfermerait dans une pièce avec des toilettes grandes comme le Pakistan, vous seriez foutus de chier sur la moquette. Vous êtes nuls, putain, vous êtes nuls. Réunir autant de Français nuls pour choisir le nul qui va perdre, on dirait la primaire de l'Eurovision. Mais cassez-vous, putain! Partez en vacances, passez votre permis poids lourd, mettez-vous au puzzle, allez vous couper les ongles, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vraiment vous ridiculiser à la télé, faites pas un débat, inscrivez-vous à N'oubliez pas les paroles. Arrêtez de croire qu'on s'intéresse à vous. Moi, quand je vous vois squatter ma télé 24 heures sur 24 pour qu'on vous élise, j'ai l'impression d'être coincé dans un vol Paris-Sydney à côté d'un trisomique qui me dit « Tu veux être mon ami ?» et qui me présente sa collection de pins parlants de Thierry Roland pendant 17 heures. Hein. Non, Manuel, je ne veux pas être ton ami. Tu baves sur mon épaule depuis le décollage. Pendant la démonstration du gilet de sauvetage, t'as demandé « Où étaient les palmes ?» et quand le commandant de bord a dit qu'on pouvait enlever sa ceinture, t'as dit « Peux pas, j'ai un jogging !» Et je vais être franc avec toi, Manu, s'il y avait une manivelle pour baisser le petit hublot comme dans les voitures, ça fait longtemps que t'aurais atterri. Non, on se fout de notre gueule. Hein. Moi, je sais pas ce qui m'énerve le plus, les 7 blaireaux qui vont débattre demain soir ou les 4 millions de connards qui vont regarder. Voilà, c'est parti. On est devant la super gare des Guillemins à Liège, là. Sacré gare aussi, hein. Oui. Et je rencontre un monsieur, je ne sais pas si on peut dire votre prénom, ou vous préférez qu'on vous appelle par un petit... Non, c'est Freddy, Freddy Renard. Ben, bonjour monsieur Freddy Renard. Alors j'explique comment, en quelques mots, comment on se rencontre. Et voilà, c'est via le réseau social, une remarque de votre part, disant, je le dis avec mes mots, pas avec les vôtres, hein. Là vous allez mieux expliquer, mais... Genre, oh, la politique, vous savez, hein, genre, c'est vraiment tous des, hein, voilà, trois petits points. Et je me suis dit, bah, tiens, si jamais vous avez envie de dire des choses par rapport à ça, le micro est ouvert et c'est parti. Et donc voilà comment on se rencontre. Sans plus ni moins, je ne sais pas du tout de quoi on va discuter, si ce n'est quand même, je pense, un peu de politique, quoi. Vous avez l'air mécontent. Ah, je suis mécontent de la politique Je ne sais pas trop par où commencer, mais je me dis que ce serait peut-être bien de commencer par peut-être vous raconter mon histoire et la partie de mon histoire qui a fait que je suis devenu un révolté de la politique. En fait, jusqu'aux dernières élections communales, je vais le dire comme ça, parce que j'y ai participé aux dernières élections communales. Alors on situe un peu l'endroit ou bien vous préférez que ça soit top secret? Oui, non, c'est pas top secret, parce que je pense que ce serait bien si les gens peuvent, je ne citerai pas de nom, etc., mais si les gens peuvent prendre des points de repère par rapport à ça. Donc moi j'habite dans la commune de Vielsalm, c'est dans la province de Luxembourg, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Bastogne, pour situer un peu les gens, c'est près de la baraque Fréture. Et alors, je suis né dans cette commune-là, j'y vis, j'ai 58 ans et je vis là depuis presque, j'ai presque toujours vécu là. Et j'étais jusqu'à 2012, donc jusqu'aux dernières élections, je peux dire que j'étais un CDH convaincu, un ancien PSC convaincu. Et ça, c'est quoi? Parti socialiste chrétien qui est devenu CDH, voilà, c'est ça? Parti social chrétien, qui est, non pas socialiste, hein, parti social chrétien. C'est quoi la différence? Ah, la différence, c'est que le Parti social chrétien, c'était bien un parti chrétien, d'inspiration chrétienne. Il s'est transformé en CDH parce qu'à un moment donné, on a préféré se débarrasser de l'étiquette chrétienne parce qu'elle ne faisait plus recette. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Maintenant, après coup, sur le moment, je n'avais pas bien analysé tout ça parce que j'étais dedans, j'étais un pigeon, comme tous les autres pigeons. Et, un pigeon voyageur Oui, peut-être, mais là-dedans, j'étais vraiment un pigeon, je me rends. Et c'est ce qui m'a rendu furieux. Par après, justement, c'est de me rendre compte à quel point j'avais pu être un pigeon pendant autant d'années. Et donc, pendant toute ma vie, jusque, je vais dire ce moment-là, j'avais toujours, comme je suis quelqu'un d'assez loquace et qui exprime facilement ses opinions et qui argumente volontiers, j'avais toujours prêché ça autour de moi. La politique, ben, j'étais dedans, donc je ne remettais même pas ça en cause, le système politique. Attends, je te coupe régulièrement parce que oui. Pour qu'on comprenne. Mais donc ça veut dire que tu croyais aussi en cette politique des partis. Bien sûr. Bien sûr. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette époque-là, je croyais à ça et je pensais être moi dans le bon parti. On pense tous qu'on est dans le bon côté, bien entendu. Hein. Et parce que moi, je me disais que tout ce clivage gauche-droite, c'était un peu surfait et que quand on était dans le parti du centre, je dis, si j'avais été en France, j'aurais voté Bayrou, par exemple, à l'époque. Et ici, ben, j'étais au CDH. Et il se trouve. CDH, c'est le centre? C'est le centre. C'est devenu. Donc, c'est passé de PSC, donc Parti Social Chrétien. Ils ont appelé ça Centre Démocrate Humaniste. Ça ne veut strictement rien dire et ça veut tout dire en même temps, hein, parce que qui n'est pas humaniste, en fin de compte. J'ai passé. Ça s'est fait en 2003, ça, si mes souvenirs sont bons. Donc, le changement s'est fait en 2003. Et moi, j'ai continué. J'étais à la limite de plus en plus échaudé là-dedans. J'étais bien parce que je m'entendais très bien avec celui qui est le bourgmestre de ma commune maintenant, de Vielsalm, qui est le chef local du CDH, le leader local du CDH, depuis des années et des années, déjà quand c'était le PSC. Il était le chef de l'opposition. C'était une commune socialiste, mais il était le chef de l'opposition. Et puis alors, en 2012, non, c'était déjà en 2006, il était devenu bourgmestre, mais en 2012, où moi j'ai encore continué à militer pour lui et pour le parti, etc., là, il a vraiment cartonné. Là, il a pris la majorité absolue dans la commune. Il s'est associé ensuite avec les socialistes, parce qu'ils étaient comme cul et chemise, je reviendrai tantôt, ils y sont toujours, hein, mais ils essayent de faire semblant que ce n'est pas vrai. Mais c'est quoi la différence entre social et socialiste? Parce que vous m'avez fait remarquer ça tantôt. Ben, socialiste, c'est un peu comme en France, ben, c'est le parti de gauche théoriquement, mais là aussi on pourrait y revenir, parce que moi je ne crois plus du tout à ça. Donc c'est la gauche, c'est comme le PS en France, c'est la même chose. On va dire ça, d'ailleurs ils s'entendent très bien entre eux. Et le parti social chrétien, ben, je vais dire que dans mon esprit, c'est, on aurait pu dire le parti chrétien, mais on y a mis un S pour faire social parce que ça faisait plus joli. Quoi. Comme ça, on ne focalisait pas sur le chrétien, c'était social chrétien. On faisait un peu, on n'était pas tout à fait des socialistes, mais on était un peu centre-gauche, quoi, je vais dire comme ça. Avec ce mot social, ça faisait un petit peu, ça mettait un petit peu de gauche dedans, c'est ça, ça que ça veut dire. Gauche dedans, et ça faisait peut-être un peu passer la pilule de chrétiens à ceux qui n'étaient peut-être pas trop branchés chrétiens et qui bon, et c'était, ça a été le parti, le PSC, ça a été le parti leader en Belgique pendant 50 ans. Ils ont gouverné le pays pendant 50 ans. Maintenant, c'est devenu CDH. Je ne sais pas si c'est parce que ça s'est transformé en CDH que ça périclite. Mais pour le moment, ils seront bientôt au quatrième sous-sol parce qu'ils sont complètement... ils perdent complètement des plumes partout. Donc on sent que c'est un parti qui est sur sa fin. Mais pour le moment, ils ont toujours... Parce qu'encore en 2012, aux élections communales, ils avaient encore bien... D'ailleurs, la preuve chez nous, ils avaient obtenu la majorité absolue. Ils raflaient la commune aux socialistes. Notre commune, c'est un bastion aux socialistes depuis 30-40 ans. On avait eu pendant des années le fameux monsieur Marcel Remacle, qui était une vedette dans toute la région ici au niveau socialiste. C'était vraiment un ponte des socialistes. Et donc, mon bourgmestre, dont je ne citerai pas le nom, va balayer tout ça en 2012. Et moi, j'étais chaud boulette, puisque j'étais de son côté. J'avais même été témoin de liste. Il m'avait désigné comme témoin de liste aux élections communales. Donc, pour bien dire que j'étais... Et pour le dire aussi, franchement, pendant le dépouillement, il m'envoyait des SMS sur mon GSM pour que je lui dise déjà le résultat avant de sortir. Quoi, là, on ne peut absolument pas. Je ne l'avais pas fait, bien évidemment. Mais enfin, pour vous dire comment ça fonctionne. Vous étiez très proche, du coup, en même temps. On était proches. Disons qu'on s'entendait bien. Il y avait un bon rapport entre nous. Et alors, il se fait que... Ce monsieur, qui était, donc, par le biais de son mandat de bourgmestre, je passe sur une autre page, parce qu'à cette époque-là, je travaillais comme responsable de production dans une entreprise de la commune, qui est une entreprise, ce qu'on appelle une entreprise de travail adapté. Donc ce sont les anciens ateliers protégés, où on occupe beaucoup de personnes handicapées. Et là, j'y étais depuis... moi, je suis entré en 1996 et je suis sorti en 2015, donc j'y suis resté presque 20 ans. Balèze, ça. Et donc, à cette époque-là, où il y a eu le changement dans ma tête et dans mon comportement, ben, j'étais là depuis une quinzaine d'années presque. Et j'ai été devenu, tout en étant délégué syndical, et un délégué syndical très actif, j'avais quand même réussi à grimper les échelons et à devenir responsable de production dans l'entreprise. On était deux en dessous du directeur. C'est une entreprise de 200 personnes quand même, hein, donc c'est pas un petit truc. Mais comme c'est une entreprise publique, enfin publique, gérée, qui a bénéficié de beaucoup de fonds publics, et que c'est une entreprise qui a eu beaucoup d'ennuis financiers par le passé, qui a au début, j'étais là, moi c'était très difficile. Et alors, suite à tous ces ennuis-là, l'entreprise avait reçu des fonds publics de la province, de la commune, etc. Mais du coup, évidemment, les pouvoirs publics avaient exigé d'être présents dans le conseil d'administration. D'où la présence des hommes politiques de la commune au conseil d'administration de l'entreprise là où je travaillais. Et celui qui était devenu entre-temps le président du conseil d'administration, c'était mon fameux monsieur ici, qui est bourgmestre Bessalm. Donc vous voyez le lien qu'il y avait. Moi j'étais... J'étais responsable de production dans l'entreprise dont il était le président de conseil d'administration. C'était mon bourgmestre et j'étais quelque part mon leader politique. Donc tout allait bien pour le mieux dans le meilleur des mondes pour moi. Et avant de continuer, ne perdez pas le fil, hein, parce que là, hein, vous voyez bien. Mais par exemple, dans ce mouvement CDH, qu'est-ce qui vous attirait ? Qu'est-ce qui défendait la chose que je perds mon fil. Dans le mouvement, non, c'est un parti, le CDH, c'est pas un mouvement. Hein. Dans le CDH, qu'est-ce que vous aimiez le mieux à défendre dans ce parti ? Ce que j'aimais le mieux à défendre, c'est que ce n'était ni de gauche ni de droite. En théorie. C'était quoi alors ? C'était du centre. Oui, mais ça veut rien dire. Si vous me dites ça, viens, on va au centre, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'est pas des marxistes purs et durs. Qui diabolise les riches, et qui et les entreprises, etc., et qui pensent que toute la solution se trouve dans la protection des travailleurs. Et on n'était pas non plus dans les excentricités libérales de droite, qui eux, c'était complètement tout l'opposé. On était au centre. Et moi, j'avais vraiment l'impression que la politique menée par le CDH, qui me plaisait bien déjà parce que ils ont, au CDH, ils donnent une très grande importance à la famille, dans l'apparence, mais enfin, ils donnent une grande importance à la famille. D'ailleurs, on les retrouve, les ministres, souvent dans l'enseignement et des choses comme ça, parce qu'ils attachent vraiment beaucoup d'importance à ça. Et c'était une chose qui me plaisait. Et ça, il me semblait que c'était le parti qui était le plus proche de ce que les gens vivaient. Parce que quand on est à fond marxiste ou à fond du côté de je sais plus comment on l'appelle, moi, Adam Smith, je pense qu'on n'est pas dans le vécu des gens, on est un peu dans l'idéalisme d'un côté ou de l'autre. Mais, et là, j'avais l'impression, cette sensation-là, qu'on était là-dedans. Mais je pensais ça parce que l'échiquier politique, le spectre politique avec la gauche, la droite, les clivages, les écolos, les machins, tout ça me parlait. Je comprenais cette façon-là de voir les choses et j'avais l'impression d'être, moi, au bon endroit dans cet échiquier. Voilà, c'était ça ma vision des choses. Puis alors, il y a eu ces élections, il y a eu... Je parle de ces élections parce que pour moi, ça a été le dernier point politique en 2012, octobre 2012, le 12 octobre, si je ne m'abuse. On va arriver de nouveau à ces élections-là, le 14 ici, puisque c'est tous les 6 ans. Et alors, quelques mois plus tard, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est... J'étais sur YouTube... Donc je dis vraiment les choses telles qu'elles sont. J'étais sur YouTube et je regardais un peu de tout, parce que comme je m'intéresse quand même pas mal à la politique... Vous voulez dire que vous étiez sur Internet avec YouTube, parce que ça fait jeter sur YouTube, vous faisiez un clip. Non. Je regardais YouTube, okay. et donc je cherchais un petit peu des vidéos qui parlaient de politique, quoi. Je, ça m'a toujours intéressé, donc voilà, je m'intéressais à ça. Et je suis tombé sur Étienne Chouard. Alors, je suppose que vous connaissez tout au moins le personnage. Pour les gens, dites un peu. Voilà. Étienne Chouard, c'est quelqu'un qui est devenu, comme moi, il est devenu un révolté de la politique. Mais lui, ça a été au moment de ce qu'il appelle le traité anticonstitutionnel européen. Donc, suite au référendum qu'il y avait eu en France en 2005 pour voir si des gens étaient d'accord ou pas de la Constitution européenne, et où les Français avaient répondu non à 55%. Il y avait eu un référendum. Un référendum. Les Français ont répondu non à 55%. On a dit, certains esprits chagrins ont dit que c'était un accident de parcours, mais ce n'était pas un accident de parcours, parce que d'autres pays ont eu le même résultat. Et en fin de compte, on leur a quand même fait passer par voie de traité, au traité de Lisbonne. Donc, on les a... Je n'aime pas utiliser les gros mots, mais on les a carrément, ça commence par eux, ça se termine par R, quoi. Hein. On s'est vraiment foutu de la vie des gens. Et Étienne Chouard, et je suis tombé sur la vidéo où Étienne Chouard expliquait ça. Il était, donc on était en 2012, le traité de Lisbonne, c'était en 2007. Après le traité de Lisbonne, quand il a vu toutes ces choses-là, ça a commencé à remuer dans sa tête. Puis donc en 2012-2013, il était vraiment dans le feu de l'action. Et alors, ce gars-là avait accroché beaucoup de gens parce qu'il avait créé un blog, les compteurs tournaient comme des ventilateurs. Il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec lui. C'est un prof à la base. Un prof de maths et de droit. Et donc, j'ai écouté cet homme-là. Et ça m'a complètement... Mais ce qu'il racontait... il parlait du traité européen de Maastricht, puis de Lisbonne, c'est le même en fait, hein, à quelques virgules près, c'est la même chose. On s'est aussi foutu des gens. Et il expliquait point par point, mais il dit, ne m'écoutez pas, allez voir le traité, lisez le traité si vous avez le courage. Parce qu'il a été rendu évidemment indigeste pour que personne n'aille voir et personne ne plonge dedans. Et alors j'ai fait cet effort-là. Et j'ai été voir, j'ai été vérifier que c'était vrai. Et je ne me suis pas arrêté à Chouard à partir de ce moment-là. À ce moment-là, j'ai été voir un peu dans tous les sens pour essayer de prendre mes renseignements, pour voir si on pouvait retrouver des avis convergents qui allaient dans le même sens, etc. Mais je ne connaissais rien ça, à ce moment-là. Attends, qu'est-ce que c'est qu'il me raconte, lui ? Mais alors, dans sa manière d'expliquer les choses, mais il mettait en cause véritablement l'honnêteté de nos politiciens, et tout parti confondu. Ça n'a rien à voir avec les partis. Et alors, à partir de là, je peux dire que c'est ce jour-là, devant cette vidéo, que mon destin a basculé. Parce que, oui. Mais c'est dingue, ça, c'est justement la question que j'avais posée. Quoi, avant ça, voilà, vous parlez de votre bourgmestre, que vous, de votre parti CDH, dans lequel vous vous retrouvez bien, votre boulot, voilà, ça marche bien. Vous voulez dire que c'est vraiment par, à la suite d'un visionnage sur YouTube, Internet, avec Étienne Chouard, qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous? Ben, à mon avis, il devait sûrement déjà y avoir quelque chose qui bouillonnait quelque part, hein, quelque chose qui mûrissait dans ma tête. Mais c'est ça, en tous les cas, qui a été le déclencheur. À partir de là, je suis tombé sur des gens comme François Asselineau, par exemple, qui on peut en penser ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous connaissez François Asselineau. Donc François Asselineau, c'est un petit candidat en France. On l'appelle petit candidat pour moi. Asselineau. Oh, d'accord, je vois. Pour moi, c'est le plus grand. C'est le plus, c'est des petits en chiffres, mais pour moi, c'est le plus grand. Alors j'ai commencé à écouter Asselineau et pas les idées politiques, enfin, en tous les cas, pas le slogan politique d'Asselineau, mais l'analyse que Asselineau faisait, toujours avec des sources. Parce que ces gens-là, ils parlent avec des sources. Tandis que nos hommes politiques ne donnent jamais de sources. C'est toujours des choses vagues, des choses, des ressentis, des machins, des choses pour essayer de... Quand tu dis nos hommes politiques, tu parles de la Belgique ? Non, je parle de tous les hommes politiques, de Français, Sauf Asselineau, pour vous, hein, pour toi. Sauf Asselineau, dans ceux que moi j'ai écoutés attentivement. Et j'en ai écouté beaucoup attentivement, et spécialement des petits candidats, évidemment. Et je me suis rendu compte qu'Asselineau, franchement, c'est un paquet. C'est quelqu'un, associé à Chouard, il y a moyen de révolutionner le monde, quoi. Asselineau, c'est encore un homme politique. Donc c'est quelqu'un qui tient encore au système politique, puisqu'il est candidat aux élections, et Chouard ne sera jamais, à mon avis, il ne sera jamais candidat à une élection. Mais les idées des deux mises ensemble, à mon avis, ça... Mais alors j'ai commencé à chercher, moi-même, de toutes les manières possibles et imaginables, ça a été vite. En quelques mois, j'ai complètement basculé dans ma tête, mais je ne savais pas encore comment le dire, parce que j'étais tellement connu dans tout mon entourage comme quelqu'un de branché politique, branché au centre, CDH, qui avait comme leader dans son entourage proche politique, le bourgmestre dont je parlais tantôt, mais alors un peu plus loin, tous les autres pontes du CDH, c'était vraiment mes maîtres à penser, quoi. Et là, vous avez toujours votre boulot, là. Vous travaillez, quoi. Mais seulement... comme j'étais syndicaliste, et les syndicalistes, enfin en tout cas les bons syndicalistes à mon sens, c'est des grandes gueules, c'est des gens qui s'expriment et qui disent les choses. J'ai toujours eu l'habitude de dire les choses, et j'ai commencé... Je suis une ennuyante, hein, mais vous me dites, hein, n'ayez pas peur, on se parle pour du vrai, mais vous me dites que vous êtes un syndicaliste. Oui. Alors moi, dans mon petit univers, comme ça, je me dis, tiens, c'est marrant parce que... Vous expliquiez avant la gauche, la droite, hein, les marxistes, c'est vos mots, hein, les marxistes extrêmes là, qui pensent que tout vient du travail, et les libéraux, ou sont les patrons plutôt, et le capital. Et vous êtes syndicaliste, et vous pensez ça. Ça m'étonne, ça. C'est pas tout à fait étonnant, parce que en général, on présente toujours le syndicalisme comme quelque chose qui découle de la pensée de Marx. Et moi, personnellement, j'aime Marx, mais je n'aime pas le marxisme exacerbé qui fait que un arbre cache la forêt. Mais ça veut rien. Un arbre, ça là, je m'y perds là vraiment. Attendez, le marxisme, en quelques mots, c'est quoi pour vous? Le marxisme, c'est vraiment c'est la lutte des classes. C'est il faut absolument qu'on fasse. Je vais dire quelque chose. Allez, en exagérant beaucoup, c'est ce qui a fait le monde communiste, quoi. Pour moi, c'est vraiment la gauche de gauche qui ne supporte pas aucune forme de capitalisme. Et qui voudrait que tout le monde soit mis sur le même pied. Et donc mon image à l'époque du marxisme, parce qu'elle a beaucoup changé, mais l'image que j'avais à l'époque, c'était le fonctionnement communiste. Oui, mais le fonctionnement communisme, on pourrait en parler des plombs, mais en gros, de toute façon... Oui. Vous voyez ça. Dans mon idée... L'image que j'avais de l'ultra-marxisme, c'était ça. Et donc, pour moi, c'était pas bon. Ça, c'était pas bon. Le communisme, c'est pas bon? Non, non. Et en quelques mots, pourquoi? Et après, on revient à la suite de ce que vous disiez, parce que sinon, on comprend pas. Moi, je tiquais vraiment sur le syndicalisme. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que les syndicats, ils se sont un peu... Attendez, il faut tenir la route, parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Et après, on reprend, mais... je vais vous donner la parole, mais ça partait aussi de cette idée, pourquoi on en est là à parler du communisme, c'est parce que vous me dites que vous êtes syndicaliste et que si on est un bon syndicaliste, on n'a pas peur d'ouvrir sa bouche, très bien. Mais en même temps, moi, ça m'étonne d'entendre un syndicaliste qui dit aussi les syndicalistes, ils sont pour les travailleurs, ils défendent les travailleurs, le travail, les libéraux, je suis pas sûr. Encore qu'on a un syndicat libéral en Belgique, hein. On a quand même la CGSLB, qui est un syndicat. Pour moi, ça a toujours été une énigme. Hein. C'est des traîtres. Oui, mais d'accord. Ok, d'accord. Donc ça, bien entendu, c'est de la rigolade. C'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de socialisme en Belgique. Il y a beaucoup de traîtres aussi, soit. Oui. Mais alors, en Belgique, en dehors de ce petit syndicat, parce que ce n'est quand même qu'un petit syndicat, les deux grands syndicats en Belgique, c'est le syndicat FGTB et le syndicat CSC. Et le syndicat FGTB est depuis toujours pratiquement lié au PS, donc vraiment socialiste, donc vraiment marxiste. Et moi, je faisais partie de la CSC, qui était liée, un peu moins fort, mais quand même liée, je le prouverai tantôt que c'était lié, qui était lié au PSC, qui est devenu CDH. C'était vraiment, je veux dire, quelque part, c'était le syndicat, mais avec une philosophie de centre. Pas avec une philosophie de... D'ailleurs, en général, la CSC, dans les conflits sociaux en Belgique, ça a toujours, souvent, la plupart du temps, été le modérateur. D'ailleurs, souvent, la CSC, dans les manifs et tout ça, ils étaient un peu conspués parfois par la FGTB, parce que la FGTB considérait que la CSC voulait faire le jeu du patron. Parce que la CSC était un peu plus modérée dans sa manière de voir, était plus pour la concertation, pour la discussion, que tout de suite aller casser Ce que vous pensez, en fait, ça. Oui. C'est ce que vous pensez. Oui, c'est ce que je pense. Oui. Voilà. Et donc, je me sentais bien par rapport au centre en politique, mais je me sentais encore mieux à la CSC comme syndicaliste. Parce qu'à la FGTB, je ne me serais pas bien senti parce que j'étais pas assez incisif dans les idées pures et dures de gauche. Les travailleurs ? Si, mais je pensais qu'il y avait, dans mon esprit, on pouvait défendre les travailleurs de manière plus sensée que de vouloir ce qu'on n'obtiendrait jamais. Mais pourquoi vous dites ça maintenant ? Mais oui, mais c'est... Ah oui, mais ça, de toute façon, c'est ça qui est chouette, hein, c'est qu'on n'a pas le même avis. On continue, allez. C'était tout simplement mon avis. Et faut y croire, c'est ça, enfin, il faut y croire. Hein. Oui, bien sûr. Mais maintenant, je me rends compte que je me trompais, bien sûr. Donc, on est dans la situation de l'époque, hein, maintenant, hein, donc je me trompais. Mais j'explique l'état d'esprit dans lequel j'étais. D'ailleurs, ma compagne, qui est déléguée syndicale aussi, et qui était déléguée syndicale à la CSC comme moi à l'époque, eh bien, aujourd'hui... Elle est changée de syndicat et elle fait partie de la FGTB, des socialistes. Donc, ah oui, complètement. Et je l'ai soutenue et je continue à la soutenir dans ce sens-là. Parce que pour moi, je vous expliquerai après pourquoi la CSC, c'est réellement des traîtres. Donc voilà, ça c'est comme ça. Alors, j'en étais où ? Oui. C'est important d'avoir que j'ai pu dire que je faisais partie de la CSC parce que, en fait, j'étais... l'ami et un des suiveurs de mon fameux bourgmestre ici, qui était en même temps mon patron, quelque part, hein, puisque c'était le président du conseil d'administration. Vite, une petite question. Pourquoi vous citez jamais son nom alors que c'est super facile de le retrouver, en fait? Mais pourquoi? Mais non, mais ça, c'est vous qui voyez, hein, mais je veux dire, ça va être un secret pour personne. On fait une petite recherche et boum, on a son nom. Mais peut-être c'est mieux de ne pas dire son nom. Vous avez peut-être des soucis avec lui. Voilà, non, parce que je n'ai pas envie de dire le nom comme quelque chose, comme pour le lancer l'opprobre sur quelqu'un. Si des gens, ça les intéresse, ils vont aller voir, ils vont tout de suite trouver. Hein. Ils vont sur ma page Facebook, ils verront tout de suite. Donc c'est vraiment pas difficile. On cherche Vielsalm, mais on cherche qui en est le bourgmestre, c'est pas compliqué. Et donc, je faisais partie de la CSC, j'étais délégué syndical à la CSC, et je n'étais... je ne devais ma survie dans l'entreprise pendant des années que au fait que j'étais un peu pas trop mal vu de ce monsieur-là, pour des raisons politiques. Parce qu'il savait que j'étais un de ses suiveurs, etc. Donc, je n'ai pas dit que j'étais protégé, mais enfin, on ne me faisait pas trop d'embêtements. Si ça n'avait tenu qu'au patron de l'entreprise et à la responsable du personnel, enfin, j'aurais eu ennui sur ennui, parce que j'étais beaucoup trop actif comme délégué syndical, justement. Mais cette appartenance-là au CDH, etc., j'ai l'impression, me maintenait un peu à flot. Puis alors, à partir de 2013, donc à partir de ma découverte, ce que j'appelle la découverte de l'horreur, hein, j'avais créé un blog à l'époque, à partir de là, j'ai commencé en politique Donc, comme je l'ai dit, j'avais créé un blog où je faisais vraiment un état de mes impressions sur tout ce qui se passait. Et je vous assure qu'il n'était pas piqué des hannetons, hein, mon blog. Je pourrais vous le transmettre par la suite. Et donc, j'ai commencé à faire connaître mes idées par écrit. Et beaucoup de gens ont commencé à en parler, évidemment, dans mon réseau proche. Hein. J'ai immédiatement quitté le CDH. Quitté toute politique. De vous-même ? De moi-même, bien évidemment. J'avais la carte du parti, moi. Hein. J'ai tout arrêté. J'ai fait comprendre clairement dans mes écrits que je ne voulais plus entendre parler, sauf pour le critiquer, du système politique. Je ne voulais plus en faire partie. Et je ne voulais plus que personne puisse penser une seconde que je faisais partie de cette bande de gangsters. Mais Freddy, attends, parce que là, je veux vraiment bien comprendre, et les auditeurs aussi. Donc, c'est suite à la rencontre de Étoine Chouard via Internet que tout ça se met en place. Voilà. Ah, vraiment, c'est ça? Oui. Disons que Étoine Chouard, il a été le déclencheur. Un très bon déclencheur, hein, parce que quand on l'écoute, je vous assure, il y a de quoi travailler. Mais pas seulement l'écouter comme un mouton, mais une fois qu'on l'a écouté, on part sur les bases qu'il a données et on cherche et on va voir. Donc, il s'est rien passé avec votre bourgmestre pour que quelque chose se réveille aussi en vous? Non, pas du tout. Rien dans ma vie privée, sauf que peut-être que ça a contribué, peut-être, c'est que je voyais les manières de faire au niveau de l'entreprise de cet homme-là. Qui ne correspondait pas à ce qu'il nous disait quand il était dans un cadre plus politique. Et comme c'est un homme qui s'immisce dans tout, eh ben il faut savoir qu'il était très proche aussi du syndicat CSC. J'ai même été à certaines réunions du syndicat CSC où il était présent. Et quand on l'entendait à ces niveaux-là, c'était pas du tout le même homme. Et ça m'embêtait déjà depuis un bon bout de temps. Mais alors le déclencheur, Chouard était le déclencheur, ça c'est sûr. Ça, c'était pour expliquer, je pense que je peux m'arrêter là sur ce point, parce que c'était pour expliquer un petit peu pourquoi je suis devenu un révolté. Pourquoi un mouton, un pigeon comme je l'étais, parce que je le dis, j'étais comme le commun des mortels, hein, peut-être même encore pire, parce que la plupart des gens, ok, ce sont des moutons, mais ils ne participent pas au jeu. Tandis que moi, en plus d'être bête, j'étais actif dans ma bêtise. Je dis toujours comme ça. Et bon, voilà, j'en suis arrivé là. Et je commence à faire connaître mes idées comme ça, à faire connaître mon désaccord. Et je reçois des réponses des hommes politiques de ma région, et notamment de un qui était socialiste, et qui l'est toujours, mais qui est un peu à la retraite maintenant, et qui lui est vice-président du conseil d'administration, donc dans les petits papiers avec l'autre. Et lui, il est un peu plus hargneux, c'est un gauchiste, hein, un peu plus hargneux quand même. Et alors, lui, me répondait carrément. Et il me répondait en des termes, il était choqué par ce que je disais, quoi. Parce que moi, je remettais en cause l'élection, le système de l'élection, les partis, tous ces machins-là. La représentation aussi, c'est ça? Bien sûr, tous les fondamentaux. Je remettais tout ça en question en disant que ce n'était que de la pure arnaque, j'expliquerais. Après, pourquoi? Et alors, j'avais comme ça des réactions. Ça a mis en route un brasier un peu qui a fait que je suis devenu la vedette un peu dans la région par rapport à ça. Et à un moment donné, j'ai été licencié. Dans mes 20 ans, je n'avais jamais eu de blâme, jamais eu rien qu'on pouvait mettre en avant pour pouvoir dire qu'à un moment donné, j'avais failli dans mon travail, etc. Mais seulement, le problème, c'est que pour me licencier, c'était pas facile, vu que j'étais délégué syndical. Ça allait coûter très cher à l'entreprise de me licencier. Alors ce qu'ils ont fait, que j'ai appris par après, hein, parce que je n'étais pas su, en fait, la permanente syndicale, donc ma responsable syndicale, moi dans la région, c'était une très bonne amie du monsieur bourgmestre en question ici. Ça, je ne savais pas. Je savais qu'ils ne se détestaient pas, mais enfin, je sais. Et alors, ils ont d'abord bidouillé mon éviction de la CC pour faire sauter mon mandat et pour pouvoir en plus ensuite me licencier sans avoir de... Ce qui était une bêtise, parce qu'on ne sait pas faire sauter un mandat. Donc, mais la permanence syndicale, c'est une novice dans le domaine. Et à mon avis, il s'est passé quelque chose où... Enfin, voilà, ils sont trompés en tous les cas. Donc pour l'instant, je suis en justice par rapport à ça, parce que je cherche mes droits, parce que j'estime que c'est un licenciement abusif. J'ai été... Par rapport à la CSC, là. Par rapport à l'entreprise. Donc ils m'ont licencié. Je n'ai pas encore vidé l'abcès avec la CSC pour l'instant. Sauf que la CSC n'a pas voulu me défendre. Ben, ils avaient été complices de la forfaiture qui s'était faite contre moi. Ils n'allaient pas me défendre. Ils n'auraient pas su. Il y a un service juridique, mais j'ai fait appel au service juridique, mais ils n'auraient pas su me défendre. Mais comment vous expliquez ça? Comment c'est possible qu'un mouvement... C'est pas un petit mouvement, la CSC, hein? C'est quand même... Ça regroupe combien de gens? Je peux vous les... Oh là là, attendez, 1 800 000. C'est pas un petit groupement. Hein. C'est le plus gros syndicat de Belgique. Hein. Nettement plus important en nombre d'adhérents que la FGTB. Donc ce sont les deux principaux, mais c'est la CSC, le plus gros syndicat. Comment c'est possible que vous êtes là? Vous êtes, délégué syndical depuis combien de temps? Je suis devenu délégué syndical en 2000. Mais il faut... Je peux vous la donner, l'explication. En fait, je suis resté 15 ans délégué. 14 ans. Je suis devenu délégué en 2000 et on m'a cassé mon mandat. La CSC m'a cassé mon mandat en 2014, puis j'ai eu mon licenciement de l'entreprise en 2015. Mais comment la CSC peut faire ça, casser votre mandat? Comment c'est possible ça? Je vais vous l'expliquer. Parce que j'étais un délégué syndical tellement actif que j'ai été très vite... harponné par les responsables syndicaux pour faire partie de plusieurs instances dans le fonctionnement même du syndicat. Hein. Et ce n'est pas des mandats politiques, ça, on n'est pas payé, hein, on y laisse même des plumes. Mais parce que j'étais... Enfin, on sentait que j'avais la fibre syndicale. Et donc, quand il fallait occuper un poste dans un comité quelconque, je vais prendre comme exemple le comité de conseil d'administration des ALE. Je ne sais pas si vous connaissez le système des ALE, l'agence locale pour l'emploi. Quand il a fallu quelqu'un, il y avait des représentants syndicaux là-dedans. Et quand il en a fallu un nouveau pour la CSC, c'est à moi qu'on a fait appel pour ma commune. Et il y avait plusieurs choses comme ça. Et j'étais petit à petit dans notre centrale syndicale, parce que c'est aussi divisé en centrale, hein, mais dans ma centrale syndicale, j'étais arrivé jusqu'au comité national. Le comité national, c'est un peu comme si vous disiez que c'est le conseil d'administration de la centrale syndicale. Et donc, pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'événements syndicaux, j'étais plus en avance que mes permanents, puisque j'étais au sommet. Et ça, mes permanents, ça ne leur plaisait pas. Et donc... Pourquoi ça ne leur plaisait pas? Ils devaient trouver ça chouette, votre énergie, votre révolte. Ils trouvaient ça très chouette. Mais quand ils s'apercevaient, pour certains points que je ne vais pas détailler, mais que leurs délégués, alors que c'est eux les permanents, c'est eux qui doivent tout connaître dans le syndicat, et que leurs délégués en connaissent plus qu'eux, ça les amuse pas. Rapport de force alors, c'est de la rivalité. Puis alors, ce qui a vraiment mis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que la CSC est divisée en centrales, et les centrales sont divisées en fédérations. Et en général, il y a une fédération par province. Et moi, j'ai été devenu le président de la fédération du Luxembourg. Le président, dans une fédération syndicale, ça veut dire celui qui... Il est le président, en fait, des militants, du groupe des militants. À côté de ça, il y a la structure dont les permanents font partie. Et donc, les réunions des fédérations, c'est un peu... toujours, je ne vais pas dire un affrontement entre la structure et les militants, mais c'est un peu ça. Ce sont les militants qui viennent demander des comptes à la structure, en fait. Vous comprenez? Et donc, comme j'étais, moi, le président et que j'étais actif, j'étais un peu trop actif par rapport à eux, bien souvent, parce que je leur demandais des comptes. Et c'est... Quel genre de comptes? Des comptes, par exemple... Vous savez, au syndicat, il ne faut pas croire que... au syndicat, on se bat toujours pour la démocratie, mais il ne faut pas croire que le syndicat, c'est si démocratique que ça. Hein. À l'intérieur du fonctionnement d'un syndicat, il y a beaucoup de l'antidémocratique. Par exemple, quand on a décidé en fédération, on a dû décider à un moment donné de comment on voterait les options qu'allait prendre la fédération. Comment on allait s'y prendre, qui allait avoir voix de ceci, voix de cela. Et les permanents voulaient... La structure voulait avoir des voix. Et moi, comme président, j'ai dit non. Je suis désolé. Une fédération, c'est fait pour vous contrôler. On est là pour vous, pour contrôler que vous travaillez bien. Donc ce n'est pas à vous à avoir des voix, c'est à nous, les militants, à décider si vous travaillez bien ou si vous ne travaillez pas. Vous pensez bien que dire des choses pareilles, ça va bien un moment, mais ça... Et donc, eux... Parce que quelque part, moi j'étais fort au niveau des militants, c'est vrai, mais ceux qui avaient la force active quotidienne, c'est eux, parce que c'est la structure. C'est eux qui décident s'ils donnent des mandats ou s'ils les retirent. Ou s'ils les... Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils se sont associés avec le côté politique pour me démolir, mais ça les arrangeait eux aussi, parce qu'au sein du syndicat, il y a aussi de la politique, où j'étais un emmerdeur aussi. Pour le dire, voilà, c'était comme ça. J'étais un emmerdeur à tout niveau. Donc, c'est vraiment été l'association entre eux pour me mettre de côté. Et ça a réussi. Voilà. Donc, on en est là. Donc, j'ai raconté ici pourquoi j'en suis arrivé là et ce que ça m'a occasionné, moi. Comme... Maintenant, ce qui m'intéresserait d'expliquer, c'est le rejet que j'ai, ce pourquoi je rejette la politique. Mais donc on vous vire de votre syndicat et on vous vire de votre boulot. C'est quand même énorme, hein, ça. C'est énorme, hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne restait plus grand-chose à faire après, quoi. On peut faire encore quelques petites choses, mais on a déjà fait pas mal, hein. C'est déjà fort, quand même. Mais donc vous êtes pas laissé faire, j'imagine. On peut pas virer comme ça les gens. Ça s'est fait comment, vite? Comment ça s'est passé? Une lettre de licenciement, un jour. Quoi, du jour au lendemain, on fait une lettre et vous n'êtes plus... Apporté par huissier. Et alors, il m'avait donné un préavis de... Le préavis normal pour un employé de mon ancienneté, mais qui n'est pas délégué syndical. Il m'avait donné ce préavis-là. Donc pendant tout, mais à ne pas prester. Évidemment, on ne va pas laisser prester quelqu'un comme moi. Donc on m'a payé mon préavis sans le prester. Donc je suis resté plusieurs mois payé comme si je travaillais, mais en ne travaillant plus. Mais le préavis qu'on m'avait laissé était bien inférieur à celui qu'on doit laisser à quelqu'un qui a des responsabilités syndicales, parce que là, il est super protégé, lui. Et donc moi, j'ai intenté une action en justice. J'ai d'abord essayé de faire intervenir le syndicat. Mais plus pour la forme qu'autre chose, parce que je savais bien qu'il n'allait pas bouger, mais c'était normal de pratiquer comme ça. Je me suis fait envoyer sur les roses par mon syndicat. Vous avez été vachement déçu, là, non? Même pas, parce que j'en étais déjà arrivé à un point de compréhension où je me doutais bien que ça, c'était pas possible, puisque c'était un membre du syndicat qui s'était associé avec mon patron pour me virer. Le même syndicat n'allait pas me défendre contre... Enfin bon... Donc il a déjà fallu le temps que cette pilule la passe, alors j'ai fait appel à un avocat privé, et ça traînait un peu, ça faisait déjà 3-4 mois que ça traînait, parce qu'on a un an pour la procédure, hein. une fois l'année passée, c'est terminé, on ne fait plus de procédure. Et donc j'avais déjà perdu du temps avec la CSC, puis il y avait 4 mois que mon avocat ne bougeait pas, et un jour, j'en parlais avec une personne qui avait eu besoin d'avocat aussi, et qui disait, mais enfin tu es fou, tu as été prendre un avocat dans la province de Luxembourg. Il faut savoir que mon bourgmestre, il est aussi conseiller provincial à la province de Luxembourg. Il est au conseil provincial et c'est une des pointures du conseil provincial parce qu'il y est depuis ça fera plus de 30 ans, presque 40, qu'il y est. Donc c'est vraiment un ancien de là, donc il est vraiment très respecté dans la province de Luxembourg. Il a 30 mandats politiques, hein, entre parenthèses, je le dis en passant comme ça. 30 ? 30 mandats quand même, hein. Donc voilà, lui travaille. Moi, lui m'a enlevé le seul travail que j'avais, mais lui, il en a 30 quand même à côté. Et donc, j'en étais où, moi, avec ça? Oui, donc, j'ai été trouver cet avocat-là. Puis, une fois, on était arrivé, il y avait 4 mois qui étaient passés, plus ou moins. Et alors, cette personne-là avec qui j'avais parlé, je lui explique mon histoire, elle me dit, mais en fait, t'es fou. Toi qui es toujours, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, toi qui es toujours pointu sur les choses politiques, tu ne te laisses pas... Et tu vas chercher un avocat dans la province de ce gars-là? Mais il ne va jamais bouger, ton avocat, hein. Le bourgmestre en question, il est rien que pour cette raison-là qu'il me dit, le bourgmestre en question, il est président d'un club de foot dans la province, et l'avocat, il est président d'un autre club de foot dans la même province. Donc voilà, c'est... Je dis, c'est vrai, je serais bien rentré dans ma coquille tellement j'étais gêné. Hein. Mais Freddy, essayons, parce que le temps, il avance, tu vois, de pas trop rentrer, on s'imagine bien, enfin, d'aller un peu à l'essentiel, dans le sens... Moi, ma question, mais je comprends, hein, tu prends... L'essentiel, c'était de dire, mais quoi, tu t'es fait virer, ça s'est fait comme ça, ou bien du jour au lendemain, tu n'as plus ton boulot, tu t'es défendu, est-ce qu'on a pu, avoir des indemnités, enfin, même des indemnités, c'est con, mais comment est-ce que c'est possible qu'on puisse virer quelqu'un comme ça qui travaille depuis autant d'années alors que tu n'as rien fait? Voilà déjà ça. On ne peut pas, mais c'est en cours pour l'instant, C'est toujours en cours. On est en 2018, j'étais licencié en 2015 quand même. Hein. Donc c'est toujours en cours. C'est passé en première instance, j'ai gagné en première instance. Maintenant, l'entreprise va évidemment en appel pour encore traîner un an de plus. Voilà, c'est en cours. Donc je ne saurais pas dire ce qui va ressortir de ça. Mais non, bien sûr, on ne peut pas. Il y a des lois et il y a des grosses indemnités à la clé si jamais on enfreint ces lois. Mais encore faut-il le démontrer devant un tribunal et avoir gain de cause. Quoi, le dédommagement que tu aurais, c'est pas genre on te remet à ton travail, c'est du financier du coup. Du financier, oui. Oui, parce que remettre au travail, c'est presque impossible. Quand on y réfléchit bien, c'est presque impossible. Surtout à des niveaux de poste comme moi j'avais. Quoi. C'est quelqu'un qui avait... J'avais des responsabilités, je touchais à tout dans l'entreprise. Donc si je voulais saboter l'entreprise, je pourrais le faire aussi. Quoi. Donc en général, je veux dire, les gens de ce niveau-là de responsabilité ne pressent jamais de préavis dans aucune entreprise, tout simplement parce que ce serait trop dangereux. Quoi. Voilà, à mon avis, c'est pour ça. Enfin bon, voilà, on en est là de cette affaire-là. Mais ce qui m'aurait intéressé, c'est de dire pourquoi il y a eu ce si gros rejet de la politique qui a fait que j'ai mis toute ma vie en jeu, quelque part, et que j'ai été jusqu'à perdre ces choses-là qui étaient très importantes pour moi, puisque à mon âge, je suis demandeur d'emploi, là, moi, maintenant, pour l'instant. Hein, donc, je fais des formations, etc. Donc, c'était vraiment un gros truc pour moi. C'était quelque chose de grave. Et quelque chose qui a eu, d'ailleurs, un impact sur ma vie de famille, qui a eu des impacts sur tout. Il fallait déjà avoir un sacré rejet de la politique et une sacrée motivation pour en arriver là. Ça, je veux l'expliquer quand même. Mon rejet, c'est que j'ai découvert que le système politique dans lequel on est... Belge ou bien le système politique, tu vois, essayer d'être un peu plus précis. Je pense que le système politique, belge bien sûr, français... mais tous les pays d'Europe de l'Ouest, je vais dire tous les pays industrialisés et qui fonctionnent un peu selon le système de l'élection. Donc presque tous les pays, quelque part maintenant. Je pense que c'est une arnaque. C'est pas simplement quelque chose qui a un peu dérivé et qui fait que la démocratie s'est un petit peu encrassée et que ce ne serait plus tout à fait une démocratie. Ça n'a jamais été une démocratie et ça n'a jamais été pensé pour être une démocratie. Si j'avais découvert à l'époque que c'était ce que je disais il y a quelques secondes et qu'en fait c'est un système qui serait un peu alourdi et qui de démocratie serait devenu un peu pourri parce que c'est toujours les mêmes gens qu'on retrouverait au pouvoir, etc. Je ne me serais pas braqué comme ça. Mais je me suis braqué comme ça quand j'ai découvert que c'était une tromperie, une gigantesque tromperie. Mais expliquez-nous pourquoi. L'élection. Je vais commencer par l'élection. On nous a toujours expliqué, et là, ce n'est pas moi qui invente ces mots-là, je répète ce que Étienne Chouard dit, mais c'est vrai. On nous a toujours expliqué que élection égale démocratie, démocratie égale élection. À tel point qu'on nous a répété ça pendant toute notre enfance, tout le temps, on nous répète ça tout le temps. Et quand on nous répète ça, ça veut dire quoi? À l'école, les parents, comment? Moi, j'ai entendu toute ma vie, quand il fallait aller voter... Enfin, quand les gens disent oh, encore aller voter, parce qu'en Belgique on est quand même obligé d'aller voter, donc c'est quand même, comme dit François Pirette, c'est un des pays où le droit de vote est obligatoire, hein, donc on est obligé d'aller voter, et donc ça arrive souvent, et quand j'étais jeune déjà, on entendait souvent des gens qui disaient encore aller voter, ça m'embête d'aller voter. Et alors la réponse des plus avertis, c'était de dire mais enfin va voter, c'est un droit que tu as, c'est toi qui gères le pays en allant voter. Et donc on nous a toujours fait croire ça, que parce qu'on va voter, en fait, on désigne des représentants qui, après, vont porter nos souhaits. Moi, j'ai jamais cru, hein, faut le savoir. Hein. Mais moi, j'y ai cru. Donc, moi, j'ai honte, hein, parce que j'y ai cru. Mais enfin, je suis peut-être d'autant plus virulent maintenant parce que j'ai découvert le truc. Quoi. Et on désigne des représentants. Les représentants n'existent pas. Les représentants, c'est pas toi, Freddy, qui les a choisis. Hein. Ils étaient déjà là. Hein. Ça, c'est énorme quand même. Mais on te fait croire que c'est toi qui les choisis. On te fait croire que c'est toi qui les choisis. La Constitution, en premier lieu. La Constitution, c'est un écrit, c'est un texte. On pense que la Constitution est là pour contrôler... Enfin, allez, être au-dessus des lois pour superviser un peu le pouvoir, je vais dire. Il y a beaucoup de gens le voient comme ça. Mais en réalité, la Constitution, ça devrait être quelque chose qui nous protège du pouvoir, qui nous protège des abus de pouvoir. Mais la Constitution, comme elle est écrite, Et depuis le début, hein, c'est évidemment, plus au fur et à mesure qu'on avance, ça s'alourdit de plus en plus. Comme les traités européens, ça devient quasiment illisible et indigeste pour la plupart des gens. Qui va lire la Constitution ? C'est très rare, il faut des fous comme moi pour aller lire des textes pareils, parce que les autres gens ne vont pas avoir ça. Mais même au début, quand ça a été créé avec l'arrière-pensée, j'en suis intimement convaincu, de pouvoir après s'ouvrir des portes de sortie, il faut, pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec les lois. Il faut se remettre dans le contexte d'une révolution. Quand est-ce qu'on écrit une constitution ? C'est à la sortie d'une révolution. Quand on veut changer le système, on veut tout bazarder, on veut recommencer avec quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Les meneurs écrivent une constitution. Ou la réécrivent, quoi. Ou la réécrivent, mais après une révolution. Il faut savoir que je prends toujours, moi, comme pivot, vraiment le pivot de chez pivot, pour moi, c'est la Révolution française. Elle est à l'origine de tout ce qu'on vit maintenant. Et je pense beaucoup plus que n'importe quelle autre révolution qu'il y a pu y avoir autour, parce que la Révolution française a vraiment été le déclencheur de tout ça. C'est là qu'il y a vraiment eu la rupture avec l'ancien système, dans ma vue des choses, toujours évidemment. Et je pense que quand on est... Je saute un peu d'une branche à l'autre, j'essaye de... On suit, hein. Oui. Je pense que quand on est dans une révolution... au sortir d'une révolution et qu'on dit on va réorganiser le fonctionnement des choses et qu'on écrit une constitution, ceux qui écrivent la constitution sont en fait en situation de conflit d'intérêts. Parce que ces gens se projettent dans l'avenir. Ils savent déjà que les élus, ce sera eux. Il y a 9 chances et demie sur 10 que les élus, ce sera eux. Et donc, ils ne vont pas écrire un texte qui leur lie les pieds et les mains. En gros, cette constitution, ce n'est pas les gens... qui l'écrivent. C'est des gens... Ce sont des juristes, ce sont des, oui, voilà, des avocats, voilà. C'est des gens d'une classe déjà bien particulière. Donc la Constitution, elle n'est pas écrite par les gens. Bien sûr. Par rapport à ça, quand tu parles des avocats, ben, ça me rappelle les tout premières assemblées françaises, après la Révolution et pendant la Révolution, qu'on appelait les assemblées, que les détracteurs appelaient les assemblées d'avocats. Parce qu'en fait, dans les assemblées parlementaires, il faut bien regarder, même en Belgique, n'importe où, si on retire les avocats, tout ce qui vient du monde de la justice, il n'y a presque plus rien. Il n'y a presque plus rien dans les assemblées. Mais durant la Révolution, c'était ça aussi. Hein. C'était presque encore pire, puisqu'à l'époque, ben, et encore aujourd'hui d'ailleurs, les personnes qui, dans leur emploi du temps, peuvent dégager du temps pour aller administrer les choses publiques, ben c'est souvent ces gens-là. Parce que quelqu'un qui est prof d'université, oui, peut-être il peut le faire. Hein, mais c'est déjà un médecin, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais moi, je ne crois pas que c'est une question simplement de... Je trouve que là, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, parce que je trouve que le commun des mortels peut tout à fait travailler sur une constitution. Tu vois, ça concerne les gens. Non, là, on ne s'est pas compris. Ce que je veux dire, c'est que... c'est normal que les premiers gouvernements des pays dits démocratiques aient été, pour une bonne part, pour un gros pourcentage, constitués d'avocats, parce que ce sont des gens, ça, qui, d'une part, sont instruits, donc ils savent comment il faut faire pour arriver là où ils veulent aller. Bon, c'est beaucoup plus difficile pour un cultivateur. Et eux, ils savent se placer, ils savent se vendre, ils savent dégager du temps dans leur emploi du temps. Il faut s'imaginer, il faut se mettre dans le réel. Je m'imagine en 1830, quand on a écrit la Constitution en Belgique. Tout le monde ne savait pas écrire. Tout le monde ne savait pas écrire. Et les agriculteurs du fin fond de l'Ardenne, ben, ils avaient autre chose à faire que de monter à Bruxelles pour aller écrire des constitutions. C'est aussi simple que ça. Non, moi je suis pas si... Là, je suis pas complètement... Parce que ça a l'air d'une évidence et tout ça. Dans les faits, clairement, quand il y a eu la Révolution française, 1789, la Constitution a été travaillée, on est d'accord, par une couche de la population, d'avocats, de juristes essentiellement, d'accord. Je veux dire... Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait... Bon, à l'époque, c'est sûr que les gens... on va les appeler le peuple, quoi, merde, soyons simples. Les gens, les citoyens, la masse, le peuple, quoi, ne savaient pas écrire et lire comme aujourd'hui, d'accord ? Mais j'adore ce que tu viens de dire. Attends, mais ça n'empêche pas. Moi, c'est ça qu'il faut défendre aussi, c'est que si tu es vraiment dans une réelle volonté de changer le monde comme ça, de faire que ce soit plus... liberté, égalité, fraternité, enfin, vous merde, quoi. C'est bien, on met les choses à plat et on invite l'agriculteur qui est là-bas de loin, qui ne sait peut-être pas lire, mais il sait quand même... c'est quoi son métier? Il achète à manger comme toi, comme le juriste et comme l'avocat. Enfin, tu vois, je veux dire, il faut essayer de... Enfin, pour moi, ça a l'air d'une évidence de dire « Ah oui, mais c'est normal que ce soit des avocats et des juristes. » Peut-être, dans ton monde à toi, c'est normal, mais pour moi, non, quoi. Tu vois, si on a envie que ce soit vraiment les citoyens qui se sentent concernés, ben, on invite les citoyens à la table, ce qui est normal. Mais ce n'était pas la volonté de cette constitution. Quand je dis que c'est normal, je ne veux pas dire que je suis d'accord avec le système. Je dis que c'est normal que ça se soit passé comme ça, parce que les conditions étaient réunies pour que ça se passe comme ça. Ces gens, c'est sûr qu'on aurait pu inviter l'agriculteur du fin fond du pays pour venir donner son avis sur l'écriture des nouvelles lois ou de la Constitution. Ben, on n'allait bien évidemment pas le faire. Mais non, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, parce que les ouvriers non plus et parce que les agriculteurs non plus. Voilà. Il y avait tout ça en plus. Mais ce que tu dis me plaît énormément parce que ça me fait arriver à ce à quoi je veux en arriver. En fait, pourquoi est-ce qu'on on a réussi au moment des révolutions à nous mettre ces systèmes pourris sur le dos, ces systèmes représentatifs qui nous obligent à recourir à l'élection, qui nous obligent à recourir au parti, et toutes ces choses-là qui sont des bouffeurs de démocratie, c'est des destructeurs de démocratie. Le parti politique, si on a 5 minutes après pour faire un aparté sur le parti politique, pour moi c'est vraiment un massacreur de démocratie, c'est le parti politique. Mais on ne va pas là pour l'instant. Moi, ce que je veux en arriver à dire, c'est justement, moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde participe à l'écriture des lois. Étienne Chouard a lancé la dynamique de citoyens constituants. Donc, avec le groupe qui forme sur les réseaux sociaux, ils sont en train de travailler à l'écriture d'une constitution. Mais quoi, française alors ou universelle, quoi, comment? On va dire plutôt universelle parce que y a des groupes de citoyens constituants en Belgique aussi, donc c'est pas spécialement français. Bon, bah, lui, forcément, il travaille au niveau français, mais il incite fortement les gens à faire. Et donc, ils sont en train de travailler sur une constitution écrite par les citoyens. Là, on arrive à un point parce que Étienne Chouard défend l'idée de tirage au sort. Quand il dit l'élection, c'est pourri, entièrement d'accord avec lui. Et lui, sa réponse, c'est de dire on ne doit pas élire les personnes. Parce que quand on vote pour des personnes, on vote pour ceux qui veulent le pouvoir. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire qu'on devrait faire. En fait, on devrait presque obliger à aller gouverner les gens qui n'en ont pas envie. Parce que ceux qui veulent le pouvoir, ils savent bien pourquoi ils le veulent. Parce qu'il faut différencier ceux qui veulent le pouvoir de ceux qui veulent l'intérêt public. Commun, hein, l'intérêt public, pour qu'on comprenne un peu. Il y a le pouvoir qu'on veut pour soi, pour être le king, le roi, Dieu. Et puis il y a le pouvoir qu'on veut pour qu'il soit distribué, que ce soit l'intérêt général qui compte, que ce soit... Tu vois un peu? Tout à fait. Bah, si t'es d'accord. Je vois tout à fait, sauf que j'attends toujours qu'on me présente celui qui s'est mis au pouvoir pour défendre l'intérêt général. Ou s'il l'a fait, bah, il y a longtemps qu'il a oublié ses objectifs alors, hein. Parce que moi, je n'en connais aucun qui travaille vraiment dans l'idée de l'intérêt général. C'est-à-dire que leur conception de l'intérêt général, c'est... Mais comment tu peux parler, puisque toi, personnellement, tu as vachement été engagé politiquement et tout ça, donc tu peux savoir qu'il y a des gens quand même qui font, qui croient à l'intérêt général et qui bougent en ce sens, quoi. Donc tu ne peux pas tenir ces discours que tu dis là, maintenant. Mais je pense que beaucoup de gens, quand ils entrent en politique... Ils y entrent pour travailler pour l'intérêt général. Et souvent, les gens qui entrent en politique, ils entrent en politique au niveau local, en Belgique, au niveau des communes. Et ça, c'est des conseillers communaux, c'est simplement c'est le plus petit politicien de Belgique, en fait. Hein. Ils travaillent vraiment au niveau de sa commune. Ces gens-là ne sont presque pas payés. Ils ne perçoivent pas de retombées, ils ne savent pas beaucoup magouiller, etc. Donc, ils y vont vraiment pour travailler pour les autres, en fait, pour le bien général. Je pense que ceux-là, jusque-là, ça va. Après, on grimpe d'un échelon, on devient échevin. Là, on passe à l'exécutif. On ne passe plus à celui qui joue le rôle de conseiller et qui joue le rôle d'interface, d'intermédiaire entre la population et les dirigeants. On devient soi-même un dirigeant. Ça peut encore aller. Mais quand on arrive, quand on dépasse ce niveau, à mon avis, c'est absolument impossible de rester clean. Parce que pour arriver à se maintenir à ce niveau et à le dépasser, il va falloir faire des accommodements, des arrangements avec des gens et qui vont pervertir le truc. C'est pas possible. On pourrait en donner des tas d'exemples, mais on pourra peut-être le faire après s'il nous reste du temps, mais je voudrais vraiment bien arriver à mon objectif, c'est de dire que on ne doit pas remettre les décisions qui gèrent nos destinées à un petit groupe de personnes. On doit s'en occuper tous nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'au sortir des élections, on a réussi à faire passer ces systèmes pourris, ces systèmes menteurs? C'est tout simplement parce qu'on avait un argument choc. L'argument choc, c'était que tout le monde, tout le temps, n'aurait pas su participer aux décisions. Si même on avait décidé, bah tiens, on va aller chercher cet agriculteur, là, il s'intéresse beaucoup à la politique, lui, il viendra bien avec nous pour faire l'écrire la Constitution. Ok, d'accord, on l'aurait peut-être fait. Mais il n'est pas tout seul. Il y en a des milliers d'autres. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, réunir à Bruxelles tous les citoyens belges pour venir prendre les décisions. Et ça, c'était le bon argument pour dire il faut bien désigner des représentants. Tu sais, pour les états généraux qui ont entraîné la Révolution française, c'était le principe qui était adopté aussi. Le roi avait convoqué chaque commune, paroisse même, etc., désigné ses représentants, puis ces représentants-là se réunissaient aux Tuileries. Et on a continué sur ce principe-là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et en théorie, on part de l'idée, quand on fait des élections, on part de l'idée que ces gens-là, on va les désigner pour qu'ils aillent porter nos aspirations là où il faut. C'est là-dessus qu'on part. Quand on y croit. Quand, hein. Quand on y croit. Voilà. Mais c'est le principe de l'élection, je veux dire. Quand on n'y croit pas, on n'y croit pas. Mais c'est un petit peu soi-même, on n'y croit pas. Mais ce qu'on enseigne aux enfants, toute la propagande qui est faite autour de ça, c'est ça. En fait, on va désigner des représentants qui vont aller parler à notre place. En fait, c'est ça, parce qu'on ne saurait pas se réunir tous pour parler, et donc il faut bien qu'on y mette des représentants. Moi, je répète juste que ces représentants, à la base, moi je ne les ai pas choisis. Ils sont déjà là. Si on voulait creuser plus sur l'élection, là, on pourrait y aller là-dessus. Mais je voudrais bien arriver à mon point, qui est que je pense qu'en matière de communication et en matière de transfert d'informations, le monde a connu deux événements majeurs. Le premier événement majeur, ça a été l'invention de l'imprimerie. Parce que l'imprimerie, ça a donné la possibilité à tout le monde de pouvoir lire. Ça n'a pas été tout seul du jour au lendemain, mais ça a été le moyen qui a permis à tout le monde de pouvoir accéder à la connaissance. On pouvait lire ce que d'autres avaient la possibilité d'écrire. Mais tout le monde ne pouvait pas écrire. Pour écrire, il fallait déjà être édité, mais au moins on pouvait lire. Et le deuxième événement majeur, et qui à mon avis est largement aussi majeur que l'autre, c'est l'invention d'Internet. Parce que Internet a ajouté à la possibilité pour tout un chacun de pouvoir lire, la possibilité pour tout un chacun de pouvoir écrire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui depuis quelques années? L'État nous demande de rédiger nos déclarations d'impôts via Internet. Toutes les grandes transactions bancaires, et même les petites, on les fait de plus en plus par Internet et on nous incite à le faire. Je veux dire, les pouvoirs publics nous incitent à le faire. Je pense que la feuille d'impôt, c'est quasiment l'écrit le plus important qu'on peut faire pour un État. Le budget de l'État, c'est quelque chose. Et on se fie à l'outil Internet pour le faire. Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser le même outil Internet pour enlever la contrainte qu'on a depuis des siècles d'être obligé d'envoyer des représentants pour aller porter notre parole à notre place, de pouvoir, nous, tout le temps, au jour le jour, voter nous-mêmes les lois qui nous régissent. Tout le monde, tout le temps. Ça, c'est de la démocratie directe. Ça, ce serait de la démocratie. Le pays fonctionnerait comme une entreprise. On y mettrait des gens, on y mettrait des dirigeants. Des dirigeants qui seraient là comme les dirigeants de l'équipe de dirigeants journalière d'une entreprise, le directeur, la responsable du personnel, machin, cela, mais qui sont toujours sous contrôle du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, ce serait nous. Et quand il y a une loi, on les désignerait, ces gens-là, on ne voterait plus pour eux. On les désignerait. pour leurs compétences. Il nous faudrait bien quelqu'un qui prend la place du Premier ministre pour nous représenter dans les pays étrangers, par exemple. Mais le Premier ministre, au lieu de prendre un dindon comme celui qu'on a, on pourrait très bien désigner quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a fait des examens au CELOR, comme on en fait si on veut entrer à l'ONEM, ou si on veut entrer dans les entreprises publiques, on va passer des examens. Eh bien, eux, ils passeraient les examens, et on les désignerait sur base de leurs compétences, des compétences qu'ils auraient montrées à pouvoir exercer un travail correct. Changement de pile, il y a des batteries aux petits appareils, donc on reprend. Hein? Et donc, j'étais en train d'expliquer ma vision de ce que devrait être le fonctionnement d'un État à notre époque et avec les moyens technologiques qu'on a à notre disposition. Rien ne justifie qu'on envoie... On n'a plus d'arguments pour justifier qu'on doive envoyer des représentants décider pour nous de ce qui est bien ou pas pour nous. On a tout ce qu'il faut pour le faire nous-mêmes. Et donc, pourquoi ne le fait-on pas ? Alors que c'est simple. Quand je dis que c'est simple, il y a des choses à mettre en place. Mais pour créer le site TaxonWeb où on fait nos déclarations d'impôts, il a aussi fallu le créer, il a aussi fallu imaginer plein de choses parce que c'est compliqué. Donc on pourrait aussi bien imaginer ça. On pourrait très bien imaginer un fonctionnement d'entreprise où ceux que nous appelons pour l'instant des ministres et qui sont là parce qu'ils ont réussi à nous rouler au moment des élections, à nous mentir, parce qu'en réalité l'élection elle est fondée sur le mensonge. Pour être élu, il n'y a pas besoin d'être bon, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences. Il faut juste savoir se faire élire. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que quelqu'un qui est élu ne l'est pas sur ses capacités à gérer. Il l'est sur sa capacité à séduire. C'est sa capacité de séduction qui fait que, ou celle de son parti, ou celle de ses colistiers. Je vais revenir là où j'en étais, mais par exemple, on remarque très fort, comme je le remarque, à un moment donné, j'ai été amené, j'avais refait des études il y a quelques années, j'avais refait un graduat, donc un bac en sciences sociales, et j'avais été amené à faire mon travail de fin d'études sur la parité homme-femme sur les listes électorales. Et j'avais découvert à ce moment-là que des tas de choses qu'on ne soupçonne pas sur la parité, c'est que, ben, par exemple, c'est dans les communes, j'imagine qu'on peut projeter ça au niveau plus élevé, mais ce sont dans les communes où il y a le plus de femmes qu'on vote le moins pour les femmes. Donc ce n'est pas les femmes qui votent pour les femmes. Donc on découvre plein de choses comme ça quand on le fait. Et maintenant, avec cet objectif-là que j'ai toujours ça dans ce souvenir-là, et quand je regarde les listes électorales, je me rends compte du rôle de chacun, en fait. En fait, il y a des femmes, maintenant on met des femmes, mais lesquelles mettons exactement parce qu'elles ont des compétences. Moi, quand je regarde dans ma commune et que je vois les femmes qui font partie de ce fameux parti là qui a gagné la dernière fois et qui a cartonné, qui a presque enlevé tous les mandats, ben, des potiches, quoi, des jolies filles, de très jolies filles, qui faisaient bien pour l'image, mais c'est le bourgmestre qui décide de tout, les filles, elles décident de rien. Donc, c'est un petit crochet que j'ai fait. Je pense que tous ces gens-là qu'on nous a forcés à voter, parce que, comme tu disais tantôt, ils sont déjà prédésignés, ils sont nominés, j'appelle ça comme ça, moi. On ne va en fait que faire une sélection, nous, parmi des gens qui ont déjà été nominés par les partis. Mais dans la Constitution, on nous dit que tous les Belges sont égaux face à l'élection, hein. Donc c'est déjà le premier mensonge, ça. Donc c'est déjà une arnaque, rien qu'à ce niveau-là, c'est déjà une arnaque. Mais au lieu de faire ça, il y aurait toujours des personnes qui seraient là pour diriger tous les secteurs. Il y aurait un premier ministre, il y aurait, qu'on appellerait peut-être plus comme ça, mais il y aurait un ministre de ceci, un ministre de cela. Donc on continue quand même à garder, pour toi, on continue à garder un peu cette manière de gouverner, quoi. Non, pas forcément. Je dis que ça pourrait être. On pourrait imaginer que le secteur de la santé soit toujours un secteur bien... Oui, il faut, ce serait un peu comme dans une entreprise. Il faut bien travailler en séparant un peu les choses et un responsable va s'occuper de ça, un responsable va s'occuper de ça. Il y a une très, très grosse différence entre un maître qui est élu comme un demi-dieu et qu'on a mis là et qui peut pratiquement faire tout ce qu'il veut sans jamais avoir de compte à rendre, ou être quelqu'un, un fonctionnaire qui a été désigné par le peuple et qui, lui, a des comptes à rendre. À la moindre bêtise qu'il va faire, il ne sera jamais plus... Il va être viré manu militari, et ne reviendra jamais plus à sa place. Il y a une très grosse différence de fonctionnement. Hein. Le problème avec l'élection, c'est que l'homme politique, il n'a pas peur des gens qui votent pour lui. Et il faudrait qu'il ait peur des gens qui votent pour lui. Pour la prochaine élection, il faudrait qu'il ait peur des comptes qu'il va devoir rendre à ces personnes-là. Mais c'est pas à eux qu'il a à rendre des comptes. Il a à rendre des comptes à ceux qui financent sa campagne. Et ceux qui financent sa campagne, c'est pas lui, c'est pas les gens, c'est le monde financier. Oui, c'est ça, on est rentré aussi dans quelque chose de très particulier avec ce gouvernement, c'est devenu de la folie, quoi. Tous les scandales avec le SAMU social à Bruxelles, à Liège, Publifine, enfin, ça semble vraiment, il y a un souci, quoi, il y a vraiment plus qu'un souci, mais tu sais, des alternatives, à mon avis, il y a moyen de réfléchir à une autre politique, ça c'est sûr, mais comment faire? Il faut balayer toute cette politique-là qui est en cours en ce moment. Comment faire ça, plutôt? Parce que les alternatives, waouh! Si on veut vraiment que les gens s'impliquent plus, il y a moyen de le faire. Il faut mettre un système où ça se fait. Et encore, moi je dis, avec cette manière de gouverner, rappelle-toi, tu en as parlé au début de ce micro, avec l'Europe... En 2005, les gens avaient dit non, nous ne voulons pas. Ils se sont quand même arrangés pour dire oui, nous voulons. Enfin, tu vois, c'est quand même énorme. Ça veut dire que peut-être voilà, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Parce que d'écrire des alternatives, il y en a. Et dans l'histoire, on a vu qu'il y avait moyen de faire autrement que comme c'est maintenant. Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait, avec cette manière de gouverner, quoi? Aujourd'hui, on a vu en fait qu'il y avait moyen de faire autrement, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'imagination de ce qui pourrait se produire que de dire le peuple dans son entièreté et au jour le jour peut gérer les choses. Aujourd'hui, il le peut. Avant, on ne pouvait pas. Avant, on pouvait trouver qu'une république, c'était mieux qu'une dictature, qu'une telle forme de république était peut-être meilleure qu'une autre. Mais ça restait, on restait toujours dans le même schéma. On équilibrait peut-être les forces d'une autre manière. Mais le schéma restait le même. C'était toujours un petit groupe qui allait gérer le grand nombre. Moi, je dis ici que le peuple, aujourd'hui, a les moyens de se gérer. Ah ben moi, oui, tu veux dire que le grand groupe n'a... Parce que je pense que c'est ça qui doit se passer, c'est que le petit groupe sur le grand groupe a pas du tout les mêmes intentions, les mêmes objectifs. Ben parce qu'au début, on parlait de la gauche et de la droite, hein, tu te souviens, hein, on parlait des syndicats aussi. Moi, je pense que les gens, tu vois, c'est les gens qui travaillent dans leur usine, dans leur école, dans leur... J'ai pas d'autres exemples. Eh bien, ils ont pas besoin des gens qui gouvernent sur eux. Qui de mieux que les gens eux-mêmes dans leur travail peuvent être pertinents, tu vois, parce que tu dis il faut mettre quelqu'un en place qui montre qu'il est compétent, qui doit passer des examens. Moi, je crois même pas à ça. Je veux dire, les gens qui sont sur le terrain, qui connaît mieux que les gens qui sont sur le terrain leur travail, les failles, les choses positives, c'est les gens, tu vois. Donc qui peut mieux gouverner, c'est les gens de leur propre boîte, quoi. Voilà. Mais c'est bien pour ça que je dis que ce seraient les gens qui gouverneraient. Les responsables qui seraient en place, ils ne seraient là que pour les décisions journalières qui doivent être prises dans l'urgence. Et juste ça, le même rôle qu'un responsable de secteur dans une entreprise qui doit rendre continuellement des comptes à sa hiérarchie et qui n'a pas les mains libres comme ça, il ne peut pas faire lui-même ce qu'il veut. Je garde bien dans l'idée que c'est le peuple qui gère tout le temps. Quand on dépose un projet de loi, au lieu de déposer un projet de loi pour que le Parlement vote pour si ça va devenir une loi ou pas, le projet de loi est déposé par n'importe qui sur le site en question. Et tout le monde peut voter. N'importe qui a le droit de voter. Il n'est pas obligé, mais tout le monde a le droit de voter. Et en fonction de ce qui sortira de ce vote-là, ça passera ou ça passera pas. C'est ça ma vision du truc. C'est pas du tout de dire, au lieu de procéder à une élection, on va procéder à une autre forme de désignation, mais celui qui sera là aura toujours la même force, le même pouvoir. Non, justement, je ne veux plus qu'il ait ce pouvoir. Mais comment passer par ce système-là dont on parle, qui est beaucoup plus à l'horizontale, on va dire, à ce système aujourd'hui qui est carrément à la verticale, hein, je veux dire, et vraiment, ceux qui gouvernent sont intouchables. Hein, comment dans ton imaginaire, comment on passerait d'un système à un autre? Je pense que depuis que le monde est monde, quand on a voulu changer un système de gouvernement de manière aussi radicale que celui-là, ça n'a jamais pu se faire autrement que par une révolution. ce que je pense, c'est que, et ça c'est un espoir que j'ai, et plus je réfléchis à ça, plus je me dis que c'est possible, c'est que ça aussi, comme le reste, on n'est plus obligé aujourd'hui d'avoir des révolutions armées. L'Internet peut aussi faire une révolution. On a vu si les gens perdent. Regarde, t'as suivi Notre-Dame-des-Landes en France. Attends, les 2500 flics pour arrêter des gens qui cultivaient leur potager. Oui. Mais, tu vois peut-être pas les choses de cette manière-là, mais moi, oui. Et tu veux dire quoi avec ça? On n'est plus obligé de faire la guerre avec des armes. Oui, ça c'est l'idéal évidemment, mais les flics, la police, elle est quand même là, vite là, dès que ça marche pas comme on veut. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, maintenant je pense qu'il y a des moyens d'action via Internet. Quand on a suffisamment de courage pour sortir les armes de la Bastille ou la poudre, et pour aller faire tout sauter, je pense qu'on est arrivé à ce point-là de souhait de changer de façon de gouverner. On peut avoir le même courage par Internet. Et je pense qu'Internet est tellement... Je ne vois pas le rapport entre l'Internet. Je ne vois pas le rapport. Internet, c'est du virtuel. Je veux dire, s'il y a une confrontation qui doit se faire, ça ne se fera pas par Internet. Enfin, j'ai l'impression que là... Est-ce qu'il y a forcément une confrontation qui devra se faire, je vais dire au niveau... Je ne sais pas si c'est ça que tu entends, mais au niveau physique, je veux dire, il n'y aurait pas forcément ça. Regarde les gens quand ils perdent leur boulot avec Lidl, avec Carrefour, là on n'arrête pas. Les gens, s'ils sont vraiment sur le terrain à bloquer les magasins... ce que je veux dire, c'est que virtuellement, bon, très bien... C'est clair que si on fait ça, ce que les gens de Lidl ont fait, et si tout le monde avait le cran de faire ce genre de choses, on revient à un système de révolution normale, mais je pense qu'il en faudra une. Dire qu'elle doit être armée ou qu'elle ne doit pas l'être, on imagine bien qu'à notre époque, s'il devait y avoir une révolution, Internet y interviendrait pour une grande partie, parce qu'on boycotterait, on court-circuiterait beaucoup de choses via Internet, évidemment. Mais ce n'est pas pour ça que ça peut naître que par Internet, il faudra sans doute des coups. Mais il faudra quelque chose d'aussi fort qu'une révolution, qu'elle ait n'importe quelle forme, mais il faudra à un moment donné que les gens disent « stop ». Parce que la solution ne va pas venir des hommes politiques, c'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas s'imaginer que petit à petit, sous l'influence de... Parce qu'on sent que les idées changent, etc., que les hommes politiques vont s'adoucir et revenir à des méthodes beaucoup plus douces. La solution ne va pas venir d'eux. Si eux donnaient la solution, ils couperaient automatiquement la branche sur laquelle ils sont assis. Ils ne sont là que pour ça. Pour... L'intérêt général, c'est... À partir du moment où on dépasse le deuxième niveau, comme je disais tout à l'heure, moi je suis persuadé que l'intérêt général, ils n'en ont plus rien à faire. Et quand tu parles alors de gauche-droite du début, parce oui. que tu disais ça, c'était au début que ce que je pensais, peut-être je traduis mal. C'est comment maintenant alors? Comment est-ce que tu vois la droite et la gauche maintenant, après coup? Je pense que pour arriver à gouverner les gens, dans un système comme celui dans lequel on est, il faut... C'est-à-dire on peut essayer de le nommer, ce système. Moi, je peux le nommer, mais toi, tu le nommes comment, ce système? Ben, le système oligarchique de plutocratie dans lequel on est. Quand on veut, donc c'est gouverné par les riches, c'est les riches qui gouvernent. C'est les hommes politiques, ils rendent des comptes aux riches, ils rendent des comptes à la finance, ils rendent pas des comptes à ceux qui les élisent. Ceux qui les élisent, c'est des moutons qu'on a dirigés via la télé, via tout ça. Et on leur a dit pour qui ils devaient voter. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais ça, mais il y a vraiment des grandes analyses qui ont été faites par rapport à ça. Étienne Chouard met souvent ça en avant, d'ailleurs. On trace un graphique avec le temps de passage à la télévision des différents candidats d'une élection présidentielle, et puis qu'on fait un autre graphique avec les résultats obtenus, les deux graphiques se superposent quasi à la perfection. Donc ça veut dire qu'on a dit aux gens pour qui ils devaient voter, et ils l'ont fait. Oui. Donc on revient à notre gauche-droite et à notre échiquier. Je pense que quand on veut gérer des gens dans un système comme ça, parce qu'il faut arriver à maintenir les gens dans leur situation, dans leur état de mouton servile, alors que la connaissance évolue. Donc le monde devient toujours plus de connaissances, et il faut, malgré ces connaissances-là qui arrivent, et qui arrivent à grand flot via Internet, via tout ce qu'on connaît maintenant, via la télé, via tout ça, il faut quand même arriver à faire en sorte que les gens restent cons. passe-moi l'expression, mais il faut arriver à les rendre abrutis. Comment est-ce qu'on fait ? Il y a déjà les règles d'or qu'on connaissait déjà du temps des Romains, le pain, le vin, les jeux. Hein, tous ces trucs-là, déjà, ça en prend déjà énormément. Faut pas s'étonner si les hommes politiques sont aussi adorent tant tous le foot. Hein. Ils n'adorent pas tous le foot. Mais ils savent qu'en aimant le foot et en se faisant passer pour des grands supporters, ils vont dans le sens des supporters qui, eux, ne demandent qu'à être maintenus dans cette situation-là. Pendant qu'ils crient et qu'ils sifflent dans les stades, le temps qu'ils passent à faire ça, ils ne le passent pas à se demander, ils ne passent pas à réfléchir à la politique. Il y a déjà ça. Mais alors, il reste quand même un noyau de gens qui ne sont pas de ça et qui réfléchissent quand même plus que les autres et qui, eux, s'intéressent quand même à voir comment ça devrait, les choses devraient fonctionner. Ces gens-là sont capables de comprendre les différentes tendances qu'il peut y avoir de tiraillement entre la droite, ce qui motive la droite, le finance, ce qui motive la gauche, le défense des travailleurs, les écolos, les machins. Eh bien, moi, je pense que chaque parti joue un rôle sur l'échiquier. Je pense que les socialistes, et je peux le prouver de plus en plus parce qu'on s'en rend compte dans les gouvernements qui viennent, les socialistes ne sont pas plus socialistes et ne sont pas plus marxistes que les libéraux, qui ne sont pas plus libéraux que les autres, et ainsi de suite, et ils jouent tous un rôle dans la pièce de théâtre. Et pendant que le peuple est focalisé sur ça, quand tu te dis pour qui vais-je voter pour Raoul Hedebeau, pour les écolos, pour les socialistes, pendant que tu fais ça, tu restes dans le système. Tu légitimes le système. Tu légitimes le fait que... Tu légitimes tout ce jeu-là qui est fait. Tu t'inscris dedans. Ce que j'ai fait, moi, jusqu'en 2012-2013. Mais par exemple, ce qui m'intéressait, c'est comment tu vois la gauche. Parce que, OK, tu vois le système dans oligarchie, machin, mais comment est-ce que tu vois les gens de gauche, par exemple ? Les gens de gauche ou... Oui, le gens de gauche. Mais ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Les gens de gauche, les gens comme toi et moi, mais qui sont de gauche, ou bien les partis politiques de gauche ? Non, mais moi, je ne suis pas forcément... Mais c'est quoi, pour toi, parce que tu expliquais au début, tu... Il faut que je me rappelle, tu disais... je ne pensais pas que les travailleurs, c'était tout pour eux. Toi, tu étais partagé, comme tu dis, au centre, avec le libéralisme, là, puis les travailleurs... Comment est-ce que tu vois les travailleurs alors maintenant, ou alors tu les vois toujours de la même manière que quand tu étais au CDH, au centre ? Non, pas du tout. Maintenant, je vois vraiment... je suis de gauche. Je pense que je peux dire que je suis de gauche et que je l'ai toujours été. Parce qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui, hein, le Macron en France, il dit qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. C'est comme si on noyait un peu les choses. Et hier, il y a quelqu'un qui est venu à la radio et qui disait « je suis apolitique », mais il était très jeune. Et tu vois, comme si... Moi, je crois que de toute façon, dans ce que tu manges, dans ce que tu penses, dans ce que tu lis, dans comment les choses se font, c'est politique. Moi, je ne parle pas de partisanerie, tu vois. Je parle de comment est-ce qu'on fait pour réfléchir ensemble, tu vois, pour des choses très concrètes de la vie, quoi. Donc, c'est ça, la politique, c'est la vie en cité, la société, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi, la gauche. Et avec l'état d'esprit que j'ai maintenant par rapport à celui que j'avais au début... CDH. À celui que j'expliquais au début au CDH. Avec l'état d'esprit que j'ai maintenant et la position dans laquelle je me trouve, c'est impossible que je ne sois pas de gauche et c'est impossible que je crache sur la gauche. Pourquoi ? Parce que, est-ce que tu vois, peut-être que oui, peut-être que ça existe et que je ne le connais pas, mais est-ce que tu vois à droite, dans des gens qui se réclament de droite, des contestataires comme nous, qui critiquent tout, qui ont des solutions alternatives pour 36 choses ? Les gens de droite sont bien rangés à droite, hein. Ils sont bien tranquilles. La contestation de droite, j'en connais pas beaucoup, moi. Moi, je connais pas plus la droite que ça, elle ne m'intéresse pas. Mais moi, ce que je comprends dans l'histoire, c'est le mouvement des ouvriers, le mouvement des gens qui se sont fait... Il y a des morts, il y a des gens... Parce qu'ils vivaient comme de la... Enfin, c'était vraiment horrible comme on a pompé les gens, quoi. Et donc, c'est ces gens-là, moi, qui m'intéressent. Et c'est ce mouvement-là qui a pris... confiance en lui pour dire mais oui, c'est le rapport de force quand même, c'est quand même les gens, tu vois, c'est ça qui est hallucinant. De ce point de vue-là, je suis à fond de gauche, bien évidemment. Mais ce qui m'a fait avoir un... qui faisait qu'il y avait un voile sur mes convictions à ce niveau-là à un moment donné, c'était aussi beaucoup par le biais syndical, parce que je me rendais compte qu'au syndicat, la partie FGTB, la partie de, qui se plaçait vraiment le plus à gauche, c'était la partie qui, quelque part, les trois quarts du temps faisait toujours tout capoter parce qu'on voulait en faire trop et on ne voulait pas discuter, on ne voulait pas se concerter, on voulait pas. Et j'avais vraiment cette sensation-là que je me demandais même par moments si ce n'était pas un jeu, quelque part. J'avais un peu l'impression que c'était à chaque fois ceux qui se donnaient la peine de vouloir négocier, parlementer, etc., aller vers la concertation, j'avais l'impression que c'était ceux-là qui dénouaient tous les problèmes et que les autres, c'était juste des petits casseurs à petite semaine, quoi. Oui, mais quand tu lis l'histoire avec un grand H, tu vois, là, il y a... Après, moi, pour moi, tu vois, sans vraiment avoir été faire une enquête, rechercher, mais je le sens à l'intérieur de moi. Après, maintenant, je suis occupée à lire et déjà au début du XXe siècle, quand le socialisme est en route, tu vois, il y avait déjà des gens qui sentaient que ça partait en cacahuète, le syndicalisme, tu vois, les gens... Enfin, tu vois, c'est pas nouveau, quoi, le syndicalisme. Bon, en même temps... C'est important qu'il soit là, mais c'est comme si, par exemple, le FGTB, j'ai entendu sur une radio de service public, là, le bonhomme, je ne sais plus, le représentant quoi, hein, de la FGTB, qui disait très clairement, aujourd'hui, dans notre système, le gouvernement Michel ne négocie pas avec la FGTB. Il lui met sur la table comment il a décidé. Donc il ne demande pas l'avis du syndicat, hein, des syndicats. Il met sur la table tout de suite son idée. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose qui est occupé à partir... ça pue, quoi. Mais écoute, les syndicats... Je ne sais pas si tu suis les manifs, quand il y a des grandes manifestations en Bruxelles, etc., CSC, FGTB, tout ça. Dans ces manifs-là, en Belgique et partout en Europe maintenant, les manifs sont supervisés par la Confédération européenne des syndicats. C'est quoi la Confédération européenne des syndicats ? C'est le syndicat européen qui chapeaute tous les petits syndicats locaux. Ils y sont tous affiliés. Donc ils payent tous leurs cotisations à la CES pour que la CES supervise le truc. La CES, qu'est-ce que c'est ? C'est une création de la Commission européenne. La Commission européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est les patrons. Ça veut donc dire que quand il y a une grande manifestation qui se passe à Bruxelles ou à Paris ou n'importe où et qui est chapeautée par la CES, comme elles le sont pratiquement toutes maintenant, elles sont en fait, c'est en fait les patrons qui payent les syndicats pour qu'ils aillent manifester contre eux, quoi. Donc c'est forcément de l'esbrouffe. C'est de la récup, quoi. Mais c'est de la récup, là encore, c'est de la tromperie généralisée. Ils ont récupéré le système, ils l'ont acheté. Les patrons l'ont acheté, les travailleurs pensent qu'ils sont en train de manifester pour obtenir quelque chose, mais en réalité, pas du tout. On est là pour les occuper. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils crient et qu'ils mettent le drapeau et qu'ils sifflent et qu'ils lancent des pétards, ils sont contents et ils pensent que les choses vont changer. Au bout du compte, on s'aperçoit qu'elles ne changent pas. Et on entend de plus souvent maintenant, c'est bizarre, il y a quelques années d'ici, quand on faisait une manif, il y avait pratiquement toujours quelque chose qui bougeait après. Et c'est vrai, moi au début j'étais syndicaliste, moi quand on allait faire une manif, on ne savait pas ce qu'on allait obtenir, on savait qu'on allait obtenir quelque chose. On n'allait peut-être pas obtenir tout ce qu'on demandait, mais on allait obtenir quelque chose. Maintenant, pas du tout. Mais il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on obtiendrait quelque chose ? Il n'y a aucune raison. Mais pourquoi tu dis ça, il n'y a aucune raison ? Mais parce que les syndicats sont, de fait, de par leur appartenance à la Confédération européenne des syndicats, les syndicats sont à la botte des patrons. Oui, mais à un moment donné, le syndicat, il peut se réveiller aussi, secouer et se dire, bon là, il faut que ça s'arrête, notre délire, parce que sinon, on va droit dans le mur. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Parce qu'ils vont peut-être se réveiller. Ils sont subventionnés par la CES. Oui, mais ils vont peut-être à un moment donné comprendre quelque chose, là. Et c'est important, moi, je suis d'accord. Mais le syndicat, c'est bien la preuve, l'histoire du syndicat, du syndicalisme, tu vois. C'est l'histoire qu'on peut arriver à des choses, quoi. Tu vois, c'est la mémoire de ça, le syndicat aujourd'hui. Il faut réveiller, il faut secouer un peu tout ça. Eh bien, écoute, de mon expérience syndicale, moi, je vais te raconter quelque chose par rapport à ça. Oui, et puis on termine, parce que c'est... Je pense avoir vécu la période où ça a basculé au niveau du syndicat. Quand j'ai commencé, j'étais délégué, j'avais un permanent syndical qui était un ancien de Cockerill. Il avait été délégué à Cockerill. Il était délégué, puis on avait fait appel à lui comme c'était un bon délégué. À ce moment-là, les permanents pour la structure syndicale, on allait les chercher dans les délégués. Jocelyne Piette, l'ancien secrétaire général de la CST, c'était la même chose aussi. C'était un ancien d'une des usines métallurgiques, enfin je ne sais plus laquelle. Tous ces gens-là, ils sont arrivés à un moment donné aux environs entre 2000 et 2010, ils arrivaient tous à la pension. Et tous ces gens-là, ils ont été remplacés par des universitaires. Voilà. Parce qu'entre-temps, il faut bien se dire aussi que l'organisation s'est tellement développée que maintenant, on ne sait plus confier un poste le président de la CSC ou de la FGTB. Mais il faut que ce soit des gens calés. Hein. Ça ne peut plus être n'importe qui devient président. Ça ne peut plus être simplement un militant. Pourquoi tu dis ça ? Parce que, comme dans n'importe quelle entreprise, il faut savoir que la simple centrale dans laquelle j'étais, qui n'est qu'une une petite partie de l'ensemble de la CSC, c'est déjà entre 200 et 250 000. 200 et 250 travailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, ce qui me dérange dans ton discours, c'est de dire il faut être qualifié, c'est pas un petit militant, mais ça va pas te parler comme ça. Ça va peut-être pas te parler comme ça dans nos idées de gauche. On voudrait que tout le monde puisse tout faire, mais le fait est que celui qui est dans une usine et qui a passé sa vie à travailler à la même machine, et qui est sans doute le super spécialiste à sa machine, mais qui n'a pas forcément les capacités, si on doit remplacer à un moment donné le directeur, il n'a pas forcément les capacités d'aller remplacer le directeur. Mais pourquoi il faudrait un directeur ? Oh, ça peut être bien, alors on dépasse bien évidemment. Oui, mais oui. Ça bien sûr. Mais de toute façon, c'est pas ça le propos. Tout à fait. Mais oui, bien sûr, là, je vais tout à fait dans ton sens. Mais étant donné le système de fonctionnement tel qu'il est fait, et que il faut il imite le système syndicaliste, il imite le patronat, il joue la même chose. Moi, ma question, c'était de dire, puisque toi, tu as dit que tu voulais expliquer comment dans l'histoire... T'avais connu le syndicat avec les vieux qui s'en allaient. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais ça ? Tous les vieux s'en allaient quand toi tu as débarqué ? Je veux dire que le premier permanent que j'ai eu et qui était l'ancien de Cochril, lui, quand je lui parlais des problèmes de l'entreprise, que j'avais dans l'entreprise, lui comprenait tout à fait ce que c'était. Il l'avait vécu. Il me racontait toujours, ce gars-là, qu'un jour, il avait déclenché une grève à Cochril parce que la machine à coca était en panne. Et quand on s'étonnait, qu'on rigolait, on disait, il nous disait, va un peu travailler à Cochril, toi, sans boisson. Et tu comprendras pourquoi j'avais déclenché une grève. Donc, il comprenait ce que c'était, quand on lui parlait de nos petits problèmes de tous les jours, il comprenait ce que c'était. La permanente que j'ai eue après, il ne comprenait pas. Hein. Quand je lui disais, vous n'êtes pas dans une entreprise, il me disait, là, c'est une entreprise, c'est... Oui, c'est ça. C'est pas du tout l'entreprise de moi où moi j'étais. Hein. C'était des gens qui n'étaient pas sur le terrain, quoi. Voilà. Ils sortaient de l'université, on les avait catapultés. Ils allaient là aussi bien comme ils auraient pu aller chez Belgacom ou à la Poste ou n'importe où. C'est un boulot comme un autre. Tandis que mon premier permanent, lui qui avait été pêché dans l'entreprise, il n'aurait pu faire que ça. Il n'aurait pas su. C'était pas l'homme à mettre à Belgacom. Il était là parce que c'était un militant syndical. Oui, et peut-être il y a. Oui, je reviens à dire, il faut pas forcément quelqu'un de Belgacom, quoi. Tu vois, si ça tombe. Voilà. Si les gens qui travaillent, qui sont sur le terrain, qui sont dans leur quotidien avec des soucis qui sont du quotidien, ben, tu le partages avec tes collègues et on trouve une solution tous ensemble parce qu'on connaît. On connaît les problèmes, donc c'est peut-être plus facile pour trouver des solutions que d'aller monter l'escalier tout en haut pour aller trouver quelqu'un qui ne sait même pas de quoi tu parles, quoi. Bien sûr, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça, mais dans ce que j'explique, je pars bien évidemment de l'idée que le système, il est comme ça, et étant donné comment le système est, on va pas s'imaginer qu'on va catapulter le petit délégué comme président de la centrale syndicale, c'est ça que je veux dire. Bien entendu, si on pouvait tous se mettre ensemble pour gérer ça et ne plus avoir besoin du président, ça, ce serait beaucoup mieux encore, hein. Ça, je sais bien. Bon, Freddy, je te laisse les mots de la fin. Est-ce que tu as tout dit ? Est-ce que tu sens que les choses... Non, il me dit non, Freddy. Mais à un moment donné, il faut terminer. Peut-être dit quelque chose d'essentiel, là, ou... Je crois qu'il faut... Toi, t'es au chômage maintenant, Freddy, avec toutes ces histoires qui te sont arrivées, quoi. T'es carrément... on n'a pas le temps. Dis-moi en quelques mots, tu vis ça comment, d'être au chômage ? Ah, je vis ça mal. Maintenant, dans mon... J'ai un petit peu l'impression que ce que j'ai vécu, il fallait que je le vive. Si je ne l'avais pas vécu... je suis peut-être un tout petit maillon d'un maillon d'un maillon d'un maillon qui fera qu'à un moment donné, les choses vont craquer. Ce serait toujours CDH, mon vieux. Ah, peut-être bien, oui. Non, non, ça non, parce que ça y arrivait avant. C'est vrai. Ça y arrivait avant. Mais je pense qu'il faudra des mésaventures comme ça. Un jour, Danton, à l'entrée de la Révolution, quand Desmoulins lui s'étonnait parce qu'on allait sortir les armes, Danton lui a dit « quoi, qu'est-ce que tu croyais, qu'on allait mener une révolution comme ça sans quelques têtes cassées ?» Et là, il a bien fallu se rendre compte « Ben oui, c'est vrai, on est dans la bagarre, là, maintenant il faut y aller. » Et je pense qu'il faudra quelques victimes, sans doute d'État, qu'il y en aura de plus en plus, peut-être qu'il y en aura en m'écoutant, qui auront vécu un truc comparable, et qui vont aussi se dire, ben moi aussi, je devrais faire part de ce que j'ai vécu, finalement. Parce que moi aussi, j'ai vécu une grande injustice. Et peut-être que petit maillon par petit maillon par petit maillon, un jour, on va faire les quelques grands maillons qui vont faire qu'on va faire sauter le truc. Je ne le verrai certainement pas. J'espère que si, mais voilà. Mais si je peux, si ça peut avoir contribué à ça, tant mieux. C'est sûr que j'en souffre. C'est difficile. Je refais des formations comme un jeune qui n'a pas encore travaillé, alors que j'ai 40 ans de carrière derrière moi. Parce que j'ai fait deux carrières de 20 ans, moi. J'ai travaillé d'abord dans une entreprise familiale, c'était mon père le chef d'entreprise. Mais imagine, j'ai jamais fait du syndicat ni rien du tout. Puis alors après, son entreprise s'est arrêtée, je me suis engagé dans l'autre entreprise, j'ai refait encore à peu près 20 ans, avec toute la flopée d'aventures, parce que comme syndicaliste, j'ai fait beaucoup de choses, moi. J'ai fait sauter des médecins du travail qui ne faisaient pas bien leur boulot, des réviseurs d'entreprise, deux. J'en ai fait sauter deux, des réviseurs d'entreprise. J'ai fait capoter un plan de licenciement collectif en jouant sur le vice de procédure de la loi Renault. Enfin, j'ai quelques trucs à mon actif quand même. Et donc, ma vie, je suis content de l'avoir vécu comme ça. Mais ça n'empêche pas que, quand les coups arrivent, c'est dur, quoi. Et maintenant, ben, je vais essayer de retomber sur mes pattes, mais je ne vais certainement pas, ça ne va certainement pas me rendre moins contestataire. Que du contraire, parce que ça me permet d'apprendre de plus en plus de choses, ne fût-ce qu'en voyant les réactions des gens par rapport à certains problèmes sur Facebook. Depuis, j'ai presque 5000 contacts Facebook que je ne connais pas. Ce sont tous des contacts qui sont venus simplement par les idées que j'ai exprimées sur Facebook. Et je ne parle que de politique sur le réseau social. Je ne parle pas d'autre chose. C'est très rare que je mette autre chose. Et donc, je pense quand même qu'il y a dans le peuple, il y a des moutons. Et il y a une grosse partie de moutons. Mais je pense qu'il y a aussi des autres. Et je pense que le groupe des autres devient de plus en plus grand. Et c'est mon espoir, voilà. Oui, et puis les moutons, on peut... Enfin, tu vois, moi, j'aime pas trop dire les moutons. Des fois, on est mouton soi-même aussi, tu vois. Des fois, j'aime pas trop faire comme si moi, je serais en haut de la mêlée ou même au milieu, et puis il y a les moutons. Moi, je crois que les moutons, faut faire gaffe aux moutons, parce que des fois, ils se transforment, hein, faut faire gaffe. C'est mon rêve, c'est mon rêve, vraiment mon rêve. C'est mon rêve que, parce que quand je dis des moutons, c'est pas du tout insultant pour les gens, parce que je le dis en disant bien que jusqu'il y a très peu de temps, puisque ça fait 5 ans, j'en faisais moi-même partie, et j'étais même le super mouton. Parce que non content de ne rien avoir à dire, je me complaisais à renforcer le système qui faisait que je n'avais rien à dire. Donc j'étais vraiment un collabo. J'étais pire qu'un mouton, c'était vraiment collaborer avec l'ennemi, ce que je faisais. Sans le savoir, hein, bien évidemment, ce n'est qu'après que je l'ai su. Donc, c'est vraiment pas insultant de dire ça, mais je pense aussi que parfois, il faut utiliser des termes qui permettent de secouer un peu les gens. Il ne faut pas non plus qu'on ait l'air de trouver ça trop normal, que les gens ne bougent pas, qu'ils soient toujours contents, qu'ils retournent toujours voter pour les mêmes... cette année-ci, ils vont voter pour... Ils ne vont plus vouloir voter pour le bandit qui les a roulés à la dernière élection. Mais en ne votant plus pour celui-là, ils vont être obligés de revoter pour le renégat qui les avait déjà grugés 12 ans avant. Tout le monde le sait très bien. Moi, je vois dans tous les contacts personnels que j'ai, de gens qui ne s'intéressent même pas à la politique, qui disent « Mais enfin, il faut arrêter, quoi, c'est vraiment de la connerie cette élection. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, ça sert à quoi d'aller voter ?» Mais pourquoi est-ce qu'ils le font alors? Pourquoi le font-ils? Pourquoi ils vont voter? Moi j'ai compris, mais moi je le ferai plus. Pourquoi ils vont voter, c'est ça? Oui, pourquoi est-ce qu'ils entrent dans le jeu? C'est obligatoire, non? C'est obligatoire, non? C'est pas obligatoire. C'est obligatoire d'aller au bureau de vote. Mais on peut faire le tour de la tenture et remettre le bulletin blanc dans l'urne. En On peut faire un vote blanc. On peut faire un vote blanc, bien entendu, je prêche pour le vote blanc. Imagine un peu qu'aux prochaines... C'est peut-être ça le mot de la fin. Parce que ça, c'est super important. Ça, c'est quelque chose que les gens ont dans leurs mains. Ils peuvent le faire. Imagine un peu que moi, j'ai participé à plusieurs dépouillements de vote. Tu sais, la première chose qu'on regarde au dépouillement, et ça, on ne le dit à personne, hein, on regarde d'abord la proportion de vote blanc. Et on nous dit, on essaye de nous faire croire que ça n'influence pas. Ils s'en foutent, les politiques, qu'on vote blanc, qu'on vote pas blanc. Parce que quand on vote blanc, on vote pour le plus fort. C'est de la bêtise. Quand on vote voter blanc, c'est obliger ceux qui vont faire les décomptes à acter qu'il y a 10% des gens qui n'ont pas voulu voter. Ils n'ont voulu personne de ce qu'on leur a présenté. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'ils se sont bougés. Ils se sont, voilà, c'est ça. Ils se sont bougés, mais... Il n'y a personne qui leur a plu, quoi. Il ne me viendra jamais à l'idée de dire, n'allez pas voter. Allez voter, mais ne votez pas. Marquez votre présence, mais ne votez pour personne. Le message est clair quand on dit ça. On dit, moi, je veux bien voter, mais seulement, j'ai rien. Je saurais voter pour personne, ça vaut rien, tout ça. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et imagine un petit peu, parce qu'on est toujours souvent dans les, comme j'en ai fait plusieurs, on est toujours dans les 10%, hein, ça tourne, ça dépend un peu des endroits, voilà, mais on tourne à un niveau comme ça. Imagine un peu qu'aux prochaines élections, on sortirait 60% de vote blanc. Imagine un peu. En fait, quand on va voter, l'important, ce n'est pas de savoir si on va voter pour les socialistes, pour le monde politique, je veux dire. L'important n'est pas de savoir si on va voter pour les socialistes, pour les bleus, pour les... Ça n'a rien à voir, ils s'en foutent. Puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est tous les mêmes. Ce n'est qu'un jeu qui sert juste à distraire les gens. L'important, c'est qu'on vote. Parce qu'en votant, à partir du moment où on met un point dessus, sur la feuille, on légitime le système. Donc on dit... C'est comme si on transmettait le message de dire « À partir du moment où je vote... » Je valide d'office la légitimité de ceux qui vont sortir de l'élection. Automatiquement, puisque je participe. Même si moi j'ai voté pour le blanc et que c'est le noir qui passe, c'est pas grave ça. Mais le simple fait que j'ai participé en votant pour le blanc, ça veut dire que je suis d'accord avec le système qui est mis en place, le système de l'élection. Et donc, de fait, ben, je valide l'élection de l'autre. Je valide le système en votant blanc. C'est comme si on disait, je ne valide pas le système, je ne suis pas d'accord avec ce que vous me présentez là. C'est ça la différence. Et si je dois avoir un mot de la fin, le vote blanc. Merci Freddy.